Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Mais non, mais c'est parce que c'est souvent... Non, mais c'était pavé de... C'était pavé de bonne... Pavé de bonne intention. Pavé de bonne intention. Mais... Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches? J'ai plein d'autres lignes qui me venaient à la tête que j'aurais pu avoir dit qui m'auraient scellé la deal ce soir-là. Puis il a fait un top 10 de ces lignes-là présentement. Donc, en direct d'une cuisine dans le coin de Unsick, Montréal, vous écoutez l'épisode 49 du Geek Collectif avec moi-même, André Paquette, maître d'orchestre, qui présentement podcast sous l'influence, comme dirait un certain Éric Lafontaine, sous l'influence d'une grosse semaine longue et d'une Newcastle, accompagné de deux collègues, mes deux acolytes. Ce serait pas un podcast sans vous, messieurs. Oui. Éric Hébert et Jonathan Milter. Oui, oui. Comment vous allez, les boys? Très bien. Très, très bien. C'est bon, ça. Grosse semaine pour vous autres? Oui. Putain, arrête-moi ça. Il est pas fini, je travaille en fin de semaine, moi. Fait que... Oh boy. Oui, grosse fin de semaine, 3 jours de congé. Oh, j'ai hâte. Yeah. Une grosse fin de semaine, qu'on pourrait dire une grosse fin de semaine, sale. Ouais, c'est un terme que j'aime utiliser. Excellent. Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres, messieurs, depuis le dernier épisode? Tu sais, mis à part la gloire, l'argent, les putes, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est la passé? La routine. Ben, c'est ça. Tu sais, son tasse, qu'est-ce qui arrive à tous les fois qu'on met un épisode de podcast en ligne? Plein de choses. Ben, moi je peux dire quelque chose qui est en lien un peu à le dernier épisode, justement. Oh, oh, oh. J'ai reçu une couple de messages de monde qui aimait et qui supportait mon message envers Nintendo. Et d'autres ont juste, je pense, pas écouter ce que j'ai dit, puis ils ont pensé que je bashais Nintendo pendant 20 minutes. Ben, c'est ça que t'as ce fait. Ce qui est comme Eric. Ben, indirectement. Ouais, non, mais il y en a qui ont vu mon désespoir et mon cri du cœur que je donnais là-dedans. Tu sais, il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont dit, je feel ça chaque jour, mais je continue de me mentir encore. Ils disent, toi, t'as juste abandonné ça. Mais je voulais revenir un peu sur ça. Un petit update, mais j'ai finalement acheté Super Smash Bros. Au 3DS. Pareil, même si j'avais décidé de canceller ma précommande. Après, comme une semaine, je suis revenu un peu sur ma décision à cause un peu d'un argument de Daniel Vaillancourt, qui est un collègue podcasteur de RZO avec nous. Il a dit quelque chose, je me souviens plus comment il a formulé ça exactement. Mais j'étais en train de chialer encore sur Facebook, là, comme je fais quotidiennement. Puis il a dit, arrêtez donc de chialer, le jeu il est le fun. Moi j'adore ça, avoir un petit Smash Bros dans mes poches que je peux sortir à n'importe quel moment. C'est moi où mon innuendo meter vient comme d'éclater en disant un petit Smash Bros dans les poches que je peux... Non, ben, non, mais tu l'as pensé, c'est tout. C'est ça, tu l'as pensé, là. Mais j'aurais pu formuler ma phrase de plein d'autres façons pires. Certainement. Puis en plus, je reprenais les paroles de Daniel. Fait que Daniel, on sait tout maintenant que tu l'appelles le petit Smash Bros. Le petit Smash Bros dans tes culottes. Mais dans tes poches, ok, ce qu'on va le dire demain. Mais il a dit ça, puis là, j'ai fait comme, Chris, c'est vrai, hein? Cette petite 3DS-là, t'as plié en deux clous, tu sais, t'es supposé, t'es en mode Energy Saver, tu la rouvres 2 secondes après, 2 minutes, 2 heures plus tard. T'es exactement au même moment que t'as fermé ta DS, puis à cause de ça, c'est parfait. C'est vrai qu'une fois plié en deux, ça se transporte aussi bien qu'un vieux Palm Treo. Exactement. Ben, ou les iPhone 6, c'est quasiment aussi gros. iPhone 6 Plus. Mais l'iPhone 6 se plie mieux que le 3DS, par exemple, apparemment. Il se plie tout seul. Ouais, t'as même pas besoin de le plier, il le fait. C'est rendu ça, la technologie. Mais tout ça pour dire, ce petit argument-là m'a fait comme, ouais, j'avoue, hein, dans le fond, j'ai pas besoin d'assister de l'eau d'un CD à tous les fois, puis tout, puis un petit deux minutes, des fois, je vais dehors prendre de l'air frais ou de quoi, je joue un ou deux petites games bien vite, puis j'ai le temps, puis finalement, c'est comme le jeu parfait pour un petit 3DS que t'as pas le temps nécessairement de jouer pendant 4 heures de temps en ligne, là. Fait que, gars, je suis revenu sur ma décision, puis je l'ai acheté, puis je joue avec intensément depuis... Fait que t'aimes Nintendo depuis deux jours. Encore? Non, je suis pas prêt à revenir à appuyer puis de leur garocher tout mon argent. Mais je l'ai fait avec ça, qui est une source sûre, puis des affaires de même. Je vais probablement pas leur acheter le bundle du même jeu en Wii U avec une manette de GameCube et un adapteur que je me calisse, parce qu'il y aura jamais personne qui va venir à coup de 4 amis jouer à Smash Bros. Avec leur manette de GameCube chez nous. Je le sais, j'en suis conscient. Jouer sans lag. Ben même là, je parle, on va prendre des pro controllers, on n'est pas toute une gang de fucked up qui veulent absolument utiliser j'ai juste une image mentale de Milter qui fait une genre de poignée de main super viril à Nintendo en disant Nintendo, you son of a bitch. Mais en tout cas, tout ça pour dire, j'espère que mon week-end de gaming avec certains collègues podcasteurs bientôt, on va faire un petit tournoi de Smash Bros. Mais les au pire, pour que ça soit rétro, il faut que ça soit genre Nintendo 64 en baissant. Là. Mais vous allez avoir le moyen, tu sais, une retraite d'un chalet de gaming avec de la bière, tu vas avoir le moyen de faire un Super Smash Melee. Mais Eric, il veut pas, parce qu'il a ça. Il trouve ça basic comme jeu. Là. Ben, c'est très plat. C'est un élitiste du fighting. Mais tu sais quoi, Smash Bros, j'ai compris le charme. Il est très le fun quand tu joues avec en gang. Je comprends le charme de Smash Bros. J'ai juste jamais embarqué dans la folie de Smash Bros. C'est tout. Avoue que la copie cheap de PlayStation, ils ont failed bien raide, là. Ben, ça, tu vois, j'ai même pas joué à PlayStation ça, All-Star? Ouais. Ben, le pire, c'est qu'il était gratis à un moment donné pendant un bout. Gratis. Puis le monde le downloadait, c'est un bon prix pour le jeu, tu sais. Ouais, c'est un bon prix pour tout jeu, André. Tout les à jeux. Ce prix-là. En fait, si tu me permets, Melter, t'avais-tu fini ton actualité de cette semaine? Wow, j'ai un segway assez écœurant. Oh, un segway. Eric, tu me dis gratuit et pas mal un prix juste pour n'importe quel jeu. Ouais. Nouvellement arrivé sur la PSN. C'est mon premier mois de PSN Plus et j'ai pu goûter aux jeux gratuits ce mois-ci. Drive Club? Il n'y a pas eu Drive Club. J'ai eu Dust Elysium Trail ou quelque chose de même. Ah, c'est un jeu que il paraît que c'est bien. T'écœurant, ce jeu. T'as pas joué avec encore? J'ai pas joué avec encore parce que j'en ai essayé un matin sur la course parce que cette semaine, c'était tellement la semaine la plus propice au gaming. J'ai eu la chance, / malchance, d'essayer un jeu gratis que je n'ai pas payé qui s'appelle Pixel Cat. Cool. Qui venait sur le PSN. J'aime le nom, PSN. Par exemple. Le nom est cool. Mais es-tu 4 comme chat ou 4 comme le chiffre 4? Ah, c'est comme le chat. Donc, okay. les appréciants de félins, donc les gens qui aiment beaucoup les chats, ou les furries, tu sais, ceux qui se font des fins de semaine où ils baissent habillés en mascotte, là, ben eux, ils vont peut-être aimer Pixel Cat sur la chercher, PS4. Là. Donc, on parle d'un jeu. Ok, Pixel Cat, c'est. Prends Pac-Man. Okay. Remplace Pac-Man par un chat. Remplace les billes par des œufs qui donnent des canards. Puis mets des cibles de gun à quelque part pour que tu amènes les canards dans les cibles de gun. Puis rajoute un vortex. Dans le fond, c'est fucking pas Pac-Man, ok? Ok. Mais c'est plate. Mais c'est gratuit. Mais en fait, non. Parce que c'est le tiers, parce que j'ai eu 3 jeux gratis. Ah, ok, ouais. Fait que c'est comme le tiers de mon montant que j'ai payé mon PSN ce mois-ci. Ouais, mais il te faut ton PSN Plus, anyways, pour jouer en ligne. À Destiny, faire certaines daily, des affaires de même. C'est ça. Mais, comme le Xbox Live que tu payais pour jouer. Mais Pixel Cat, je te pisse au cul. C'était crissement pas bon. Il me reste Dust Elysium Trail à essayer. Ça, j'ai ça, eu aussi Spelunky ça. Aussi que j'ai eu. Apparemment, c'est bon. Ça me semble, c'est bon. Je me souviens plus, mais j'ai joué à ça. C'est un très bon jeu, mais qui est très difficile. Fait que j'aime ça les jeux difficiles à Star, honnêtement. Je trouve que ça a un peu plus de replay value. T'sais, ça me fait rager, je vais arrêter, je vais recommencer. Mais tu peux jouer à l'infini à Spelunky, c'est un petit peu ça le concept. Mais cette semaine, c'était une semaine aussi joyeuse pour moi parce que il y a beaucoup de téléséries qui ont recommencé. Mais en fait, il y en a 3 précisément qui ont recommencé pour moi. On parle de Supernatural, que j'étais pas trop sûr si j'étais content que ça recommence. Ça, c'était fini, bien raide. Ça continue. Il y a des Nouveau truc dont je ne parlerai pas, parce que je veux pas spoiler personne. La nouvelle saison d'Arrow qui est commencée, que ça, j'étais vraiment content. Et ils ont commencé Flash aussi. Ouais. Qu'il y avait eu un spin-off avec Barry Allen qui venait dans Arrow l'année passée. Je l'ai écouté, puis... le premier épisode. Il est cool, Flash. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien aimé ça. La seule affaire que j'ai pas trippé tant que ça, puis écoute, t'es au courant que dans l'épisode 1 de Flash, il va voir Arrow, puis dans l'épisode d'Arrow, ben, tu le vois qu'il parle à Barry Allen. La seule affaire, c'est que ça aurait été plus logique de faire jouer Arrow avant Flash. Mais ils ont fait l'inverse. C'est qu'ils t'ont montré la scène dans Flash qui jouait le mardi ou le lundi, je me souviens plus. Là. Puis, parce que je n'ai pas une journée en retard, dans le fond, anyways, deux tiers du temps. Puis après ça, Arrow a joué. Mais Arrow, j'étais un petit peu déçu de la première. C'était comme. J'ai un pas peu... vu ça, j'ai juste vu Flash. Je trouve que Arrow. Ils ont assez de monde qui l'écoute, puis la série, selon moi, est assez de qualité qu'ils auraient pu se permettre de faire un 2-hour season premiere. Ok, ouais. À la limite, parce que 2-hour, en réalité, c'est pas 2 heures, c'est 1h42 minutes ou whatever. Mais ils auraient pu se permettre d'en donner un peu plus, parce que j'ai l'impression qu'ils ont comme coupé des coins ronds pour essayer de donner de l'info. Par contre, Flash, j'ai trouvé ça super cool. Honnêtement, c'était le fun. Puis là, j'ai hâte de voir le restant de la télésérie. Là. Supernatural, ben... Supernatural, là, pour moi, c'est rendu l'équivalent. Tu sais, quand t'as un animal de compagnie qui est rendu qu'il a 18 ans, il court plus, il joue plus. Faut que tu mettes de l'eau chaude dans sa bouffe, puis tu y écrases pour qu'il la mange, mais tu le gardes parce que tu l'aimes en calice. Puis tu veux pas t'en débarrasser de cet animal-là. Puis tu sais qu'il est ses derniers mille, mais tu le gardes, puis tu le flattes, puis il est réconfortant le soir quand t'arrives chez vous, puis tu penses à l'amener dans le bois, le tirer avec un dos. C'est ça, mais. Mais tu le fais pas. C'est ça, tu le fais pas. Parce que tu l'aimes, puis Supernatural, c'est cet animal-là de compagnie, on dirait à date. Peut-être que ça va être différent, peut-être que ça va être drôle, puis le fun cette saison-ci. Mais c'était ma semaine, mes deux dernières semaines, en fait, en quelques lignes, en quelques mots, pour vous ce matin. Moi, j'ai petit segway avec ce que tu as dit, puis peut-être Rick peut confirmer, parce que je ne sais pas s'il a joué, mais des jeux gratuits, là, on a Chariot, et pour un troisième mois en ligne, Crimson Dragon sur Xbox One. Que tu as joué beaucoup plus que Destiny. Oui, j'ai joué beaucoup plus que Destiny, c'est pas des jokes malheureusement. Mais 3 mois en ligne, t'abuses là, Xbox, c'est-à-dire, come on. Fait que là, Rick va pouvoir m'appuyer, d'après moi. On va voir, Je sais pas s'il a joué, mais l'autre jeu gratuit de Xbox One ce mois-ci est... un jeu québécois d'un petit studio d'ici. Ah, oh, c'est pas celui avec Chariot. Non. Oh. Non, je l'ai vu, ce que tu parles, c'est à Monsieur Nat. C'est une autre affaire. Ça s'appelle sûrement Chariot, là, mais c'est Chariot, là, parce que c'est québécois. Mais est-ce que j'ai décroché vite, là? Excuse. Tu joues à deux? Non. Il paraît que tout le meaning du jeu devient à deux. Moi, je le vois pas. À part le fait que à deux, ça doit être beaucoup trop facile et qu'à un moment donné, tu frappes un mur puis c'est comme, bon, ok, je peux plus avancer. C'est un physics-based puzzle. Pas du tout, je trouve. C'est plus un platformer qu'il faut que tu traînes un chariot. C'est un physics-based platformer / new age cooperative game québécois. Tout ça pour dire que je suis un peu déçu des choix qu'il donne. Juste, ok, il est cool, il est original, il est différent peut-être, j'embarque pas, c'est peut-être ma faute, mais 3 mois de Crimson Dragon, là, come on. Ben, je suis un peu à la même place que toi, tu sais, gars, au PS4, il nous avait dit, hey, on va vous donner un exclusif Drive Club, vous allez avoir une piste, 11 chars pour essayer le jeu. J'ai fait comme, fuck man, ça c'est cool, tu sais, le jeu il est 50$, je sais pas si je veux l'essayer à 50$, je veux peut-être le louer, mais donne-moi une piste, 11 chars. Okay, c'est un démo. On s'entend, ça aurait été un esti de démo. Mais, tu sais, à la limite, j'aurais pu l'essayer. Puis là, je l'ai pas eu ce mois-ci. Puis je l'attendais, cette affaire-là. Il devrait juste donner un démo en partant. Ben, Pixel Catman, c'est... En parlant de bons jeux de char, en parlant de jeux de char qui sont bons, qui sont pas Drive Club, moi, j'ai pogné Forza Horizon 2. En échange de ton Destiny. Je sais que t'avais trippé, toi, sur le premier Forza. Mais j'adore les Forza, en général. Forza Horizon 2, je l'ai acheté. C'est pas vraiment ma nouvelle là, que je voulais faire, mais faut que je dise chapeau. Ce jeu-là, il est... je sais pas c'est quoi la vie que je comme le personnage que je suis, il est dans un monde fictif de l'Europe du Sud, on peut dire. Là où le monde se chie dessus dans la pornographie. Là où ce que le monde vive, c'est le lifestyle of the fucking freakily rich and famous, où ce que tu conduis des Christy de beaux chars, tu découvres des chars caché dans des burns, que t'as une hot chick qui vient te dire qu'elle va tout te l'arranger puis mettre au neuf. Shout out à nos auditeurs à Boudaï. Ouais, ouais. T'as Boudaï, pas Boudaï, c'est pas le goaler du Canadien, hockey, ça? C'est quoi donc Boudaï? C'est quoi la petite place? Dubaï. Non, Dubaï. Dubaï, Boudaï. Ça part à, c'est pas Dubaï, mais en tout cas, Allemagne. C'est un monde très weird. Et moi, puis la géographie, là, c'est-tu que j'étais pourri. Attends, t'as-tu dit Dubaï en Allemagne? Ouais, c'est ça qu'il y a. Non, pas en Allemagne. Je dis shout out à notre monde là-bas, de monde riche au bout. Que tu parles de l'Europe du Sud en Allemagne, sure. Pas de l'Europe du Sud. Je parle juste du Sud, Dubaï. Ouais. Donc, Forza Horizon 2, Eric. Super de bons jeux. Comme je te dis, le monde weird, où que tout le monde course, puis ensuite, il se rend compte après des événements à des raves. Puis l'Octoberfest. Ouais. De Repentigny. Fait loin et puis chauffer. Fait que ça, c'était bien le fun. Puis je suggère à tout le monde qui ont un Xbox One puis veut jouer un bon jeu de course. C'est quoi qu'ils ont amélioré, selon toi, du premier? Les graphiques, t'as un. OK. Le mode en ligne. Son next-gen. Ouais, non, mais il est vraiment beau, le jeu. Là. Comme, tu sais, t'as des... Le next-gen, là, de nos jours, là, je m'excuse, il m'impressionne pas graphiquement, mais non. C'est les petites choses qui m'impressionnent. Dans ce jeu-là, qu'est-ce qui m'impressionne? C'est vraiment les petites choses, comme... T'sais, tu te rends compte que les Forza sont next-gen quand t'es en train de rider à côté d'un char. Puis là, tu te rends compte que le miroir sur le bord de la porte du char en avant de toi a une réflexion d'en arrière. T'sais, c'est des petites affaires comme. C'est des petites choses comme ça. Ou quand t'es dans le cockpit, ben tu vois une réflexion dans le quoi? De ton dash dans quand t'es dans le char, dans le cockpit. Okay. Tu vois une réflexion de toi dans la lumière. Les lumières, justement, qui passent à travers des arbres. Des choses comme ça. Mais dans Forza 2 aussi, qu'est-ce qu'ils ont ajouté vraiment bien, c'est le mode en ligne. Quand tu t'embarques dedans, c'est vraiment comme un open world, un peu comme Need for Speed Rivals, si vous l'avez joué, ou dans le temps, Test Drive Unlimited. Ah, c'était cool ça, Test Drive Unlimited. Fait que t'as comme un mode en ligne comme ça, où ce que tu te promènes, puis il y a du monde qui chauffe, tu peux les rencontrer à des places, faire des drive clubs, faire des meets, tout ce que les gens sont en train de show off leur char. Tu peux faire des drive clubs dans Forza? Ben, c'est pas des drive clubs, mais je voulais dire des meets de char, là. Mais ouais... En tout cas, c'est mieux que Drive Club, ça je le confirme. Fait que les petits meetings du Decans, là, le mardi, là, tu peux les ou faire dans le jeu. Exactement, exactement. En dessous de la range. C'est exactement ça, mais avec du monde super riche qui ensuite est... Dans le monde fictif du jeu, tu t'en vas... Que quand t'actives le voice après, chat, là. Ce monde super riche-là sonne comme un kid de 12 ans de Saint-Léonard. Qui a fourré ta mère. Aucunement ouais. Entendu de kid, c'est toujours des adultes. C'est cool, j'ai remarqué, ça. Oh, mais ils sont pas capables de conduire comme fou kid. C'est ça que je me disais, là. Mais dans les autres choses, dans ma nouvelle, par exemple, ça, c'est qu'est-ce que je voulais dire, ça fait une couple de mois maintenant, pas mal consécutivement, régulièrement, que je vais aux soirées de Papa Cassette. Mm-hmm. Puis, man, faut que je dise que si t'as une chance d'embarquer dans les 25 personnes qui peuvent aller, si tu vois les invités... L'élite, comme on aime les appeler. Ben, ces temps ici, là, tu sais quoi, ces temps ici, Dominique a décidé de... Parce que c'est quand même une soirée de Papa Cassette de Dominique Bourret, là, dans son... Ouais. Dans son petit man cave slash bureau graphiste super awesome au coin de Frontenac. Puis j'oublie toujours le nom de l'autre rue. Mais c'est vraiment cool que tu vois là. Il y a plein de jeux. Je joue beaucoup à Mortal Kombat ces temps-ci. Puis on a une petite gang là, qui sont en train de se former là, où on prend ça fucking au sérieux. Puis on le fait sur un émulateur en ce moment. Mais ils viennent d'acheter une vraie borne de Mortal Kombat 2 originale qu'on va recevoir qu'ils vont recevoir dans les prochaines semaines. Mais man, je vois là, je m'amuse au bout. Puis ces temps ici, Dominique a monté la cadence, fait qu'il fait ça un petit peu à chaque semaine maintenant. Ouais. Fait qu'il y a toujours de la place. Aux deux, comme moi je vois là, je me fais toujours crisser dehors à la fin parce que Dominique veut s'en aller à sa femme et son kid. Puis j'adore faire ça, puis je suis fier d'être le dude qui se fait crisser dehors par Dominique. Puis c'est ça. Puis Juno First, je suis pas capable de battre mon record là-bas. Il y a un certain Ellie qui a pas mal... Parce que, ben toi, t'es allé au Papa Cassette, t'es allé à une coupe des soirées, là, t'as une board en... Un tableau, en, hein. Un tableau en craie, là, où que t'as toutes les high scores des alentours, tout ça, là. Puis il y a un Ellie qui est assez fort là-dessus, puis lui, il passe toute la soirée à battre les records de tout le monde pendant que tout le monde saute des brosses puis joue à Mortal Kombat 2. En fait, lui, c'est le seul gars asiatique qui boit pas. En fait, il est pas asiatique pas tout. Pas. C'est un vrai de vrai Québécois qui tue des orignales, là. Je veux dire, je peux pas... C'est le doux d'y avoir. Il tue des orignales de ses mains nues, là. Ouais, c'est... c'est... Avec son cerveau, il a... Ah, il y a quelque chose. Mais dans chez Papa Cassette, il n'a pas gagné un la dernière fois qu'il marchait dans la ruelle, là. Ouf, l'original, il a passé un mauvais quart d'heure. À cause de ça, à cause qu'il up les cadences un peu à chaque semaine, mais il y a de la place, là. Quand, si tu vois les invites pour ça, moi, j'ai poste souvent dans le groupe du Geek Collectif, j'ai partage souvent aussi. Je rencontre plein de personnes là-bas, du monde qui écoute le Geek Collectif. Je rencontre d'autres gens de d'autres podcasts. Plein de monde le fun, moi, quand je t'allais. J'ai juste hâte d'y retourner avec toi, là. Puis j'y vais tout le temps, là, j'essaie d'y aller. Dominique a son rêve un jour d'avoir un barcade. Je souhaite honnêtement, parce qu'il y aurait le potentiel d'en tenir un barcade, ce gars-là. Ben, puis en plus, il pense de le faire dans le coin de Montréal Sud. Là, en face de chez Eric, là, dans le fond, pour si avoir tout le temps. Si ça arrive, ça, là, watch out. Eric va dormir là-bas. Non, mais moi, je vais être, tu sais quoi, moi, je vais être juste content. S'il fait un vrai de vrai fucking barcade, puis j'y souhaite, puis ça va arriver. Ben oui. Ben là, au moins, il va y avoir du staff qui vont fucking rester la place ouverte jusqu'à 3h du matin, comme ça devrait. Parce que moi, je suis genre de dude. Là, dans le fond, tu veux qu'il t'engage bénévolement. Non. Ce que tu donnes de ton temps là-bas. T'es tanné de bar hopper au trèfle ben chaud à 1h30 pour aller te coucher à 4h. Moi, je suis le genre du gars que quand c'est parti, puis si je travaille pas le lendemain. Ça arrête pas, puis j'adore ça, puis je trippe au bout. Puis là en ce moment c'est si j'aurais une plainte c'est que ça finit un peu de bonheur, mais je le comprends, je veux dire c'est, ouais. Il fait ça de sa propre, ouais. C'est comme, jeudi là, travailler c'est un le jeudi soir, c'est ça. Mais non, moi comme je te dis je travaille les fins de semaine, non pas mais toi mais, et lui ouais c'est ça, mais c'est vraiment hot là, puis tu peux aller acheter des jeux, ils vendent ces jeux là-bas aussi quand puis ses prix sont bons, c'est pareil honnêtement, ben excellent, oui. Super de bon gars honnêtement, beau projet, puis s'il ouvre un barcade moi je vais triper parce c'est ça, c'est l'ambiance de 25 personnes. Tu sais, Dom, il fait ça de sa passion, puis c'est des soirées très intimes, toute la quête, puis c'est juste ça qui est de valeur des fois, c'est que ça se remplit vite, on a peut-être pas le temps d'y aller ou des choses comme ça. Mais honnêtement, suivez sur Facebook, justement, là, le groupe du Geek Collectif sur Facebook est redevenu ouvert, je pense que vous avez rouvert ça, les gars. Fait qu'à ce moment-là, les gens peuvent y aller. En plus, on avait certains montants de personnes qu'on a dû reformuler ça pour remettre ça au groupe ouvert, mais on est rendu maintenant avec plus de personnes qu'on avait quand on a dû... crisser bien du monde dehors pour le faire ouvert. Mais on a reformaté ça. Ouais, c'est ça. Ça va bien. Puis sinon, on va essayer de mettre les infos sur la page aussi ou sur le Twitter. Fait que, écoute, merci Eric. Hashtag RZO. Hashtag RZO. Sinon, hashtag soirée Papa Cassette. Ben, les soirées Papa Cassette, ouais. Fais juste suivre Papa Cassette sur Facebook ou Twitter. Quand il n'y a pas de place, il est très bon à partager le fait qu'il y a des places de disponibles. Fait que tu vas jamais le manquer, là. Puis il poste ça partout. Fait que si tu le vois, tu le fais. Puis venez vous essayer à Mortal Kombat 2. Je vais vous avouer que je suis quand même assez solide à ce jeu-là. Mais attends-toi pas que je t'ai fait de finisher. Je suis poche comme ça. Est-ce que t'es le genre de gars qui traîne son iPad puis qui crisse des volets à Hearthstone au monde pendant qu'il est aux soirées Papa Cassette? Personne n'accepte mes challenges. Je suis pas assez rétro. Non. Mais je fais un call-out à On n'a pas honte, là. Ils ont l'air d'être bien sérieux puis bien branchés sur le Hearthstone. Price 13,87, là. Je vous vois avec vos petits tournois, là. Ben, Geek Collectif, il est prêt à vous fourrer à voler. Petit ici est un qualificatif dénigrant, là. C'est ça, parce que moi, je suis pas petit. Fait que. Puis Eric va représenter le collectif dans Hearthstone. Parce que si je me présente avec mon chaman niveau 2, je pense, ou je sais pas. Ouais, ça c'est. Non, je suis pas dans la game. Écoute, moi j'ai un taux de succès de peut-être 3% à Hearthstone. Mais c'est bon ça. C'est dégueulasse, tu sais, gars. Je me fais crisser des reins. Là, pis... Mais sérieusement, je sais pas, j'ai commencé à suivre bien la gang d'On a pas honte. Là, c'est vraiment cool. Puis ils trippent bien raide sur Hearthstone. Là, je cherche toujours des compétitions. Merci André de me rappeler de ça. Puis non, personne n'accepte mes challenges ouverts en criant à 2h du matin dans le McDo au coin de Frontenac. Puis. Iberville, ça arrive juste pas. C'est horrible. Triste. Il me regarde weird en passant quand je fais ça aussi. Comme dans un, il y a et du monde. Garage du change. Puis... C'est ça, ils sont pas sûrs qu'est-ce qui se passe. Ils se demandent c'est quoi Hearthstone. Puis moi je suis là, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait jouer contre moi, mais il voulait prendre ma tablette pour voir c'était quoi le jeu. Puis là, finalement, il a fuck up ton deck. Il est parti à courir. Ça, là, ouais, il est parti à courir bien vite. Toi, t'as catché à la game, tu t'es dit. Non, tu ne m'auras pas de cette façon. Puis... Non, c'est ça. Ok. Mais c'est pas toi qui m'avais callé out une fois à cause que je postais que je jouais dans l'esplanade du parc olympique, puis tu pensais que je me ferais jacker ma tablette là-bas. Ben écoute, moi, tout ce qui se passe dans l'esplanade du parc olympique, tout le monde va se faire jacker selon moi. Là. À part si c'est un food truck, parce que là, c'est rendu sociable, c'est cool. Là. Yo, c'est des préjugés de Borderline Laval, ça là. Non. Hey, ouais. Écoute, moi, je vis dans le ghetto ici. Hein. Ah ouais, ça. Je sors même pas mon téléphone dans le coin, André. Dans la vie. Moi, là, dans j'ai le peur. Coin ici, il y a des affaires qui se passent. Il y a un parc à chiens. Je me promène dans la rue, le monde me voit avec Oscar, ils me donnent des biscuits à amlas puis aux graines de tournesol qu'ils ont faites pour le chien. J'ai vu une madame rôder autour de chez vous d'à peu près 75 ans, elle a fait les deux coins de rue peut-être 5 fois tantôt en marchant. Ouais. C'était louche. C'est-tu celle qui fouille dans la canisse de linge pour les pauvres? J'ai pas vu fouiller dans rien, mais elle a le look de ça. Ben écoute, c'est entièrement dans son choix. Mais là, on parlait d'Hearthstone, puis moi j'ai une question pour vous, messieurs. Admettons qu'on soit des tripeux de jeux de table. Ouais. Puis tu sais, on adore les jeux de table, mais là, on se dit, hey, faut que j'en achète des jeux de table. Mais là. Moi, je sais pas où aller. Tu sais pas où aller, toi? Toi, sais-tu où aller, Eric, pour acheter des jeux de table? Ou... Non. D'après ta face, tu sais pas pantoute? Non. Admettons moi, que. Moi, je tombe dessus quand j'en parle. C'est que, hein, il y a un jeu de table. T'es trop dans là, le jeu, là. Ouais. Ils sont maganés, puis ils sont incomplets. Je sais jamais à qui donner mon argent. Il y a vraiment pas une bonne sélection à des places comme, je sais pas, là, j'étais allé voir les jeux de table, le Charchambault, il y a pas beaucoup de sélection. Ben, ils ont du stock, mais d'un autre côté, par contre, tu sais, c'est parce que tu veux-tu tout le temps jouer au valet de pique? Non. C'est un jeu, le valet de pique, ça? Je pense pas. Mais si ça serait un jeu, je voudrais pas l'acheter, par exemple. Oh, non. Mais la dame de pique. La dame de pique. La dame de pique. Ouais, mais ça, écoute, c'est un jeu, tu sais, écoute... Tu veux pas te chasser. Tu veux pas te chasser. T'es-tu cool, tu sais? Tu veux-tu être cool, par exemple? Ouais, je veux être cool, André. Tu veux être cool? Toi, Melter, tu veux-tu être cool? C'est le but que je cherche depuis mon tout jeune âge. Tu veux-tu des jeux de société qui vont alimenter tes soirées? C'est oui. T'as-tu un exemple? Tu veux-tu des jeux super le fun, tels que Boss Monster? Oh, oui. Ça sonne cool, ça. Quelque chose à Kemble's Cascade, que je massacre tout le temps le nom? C'est-tu un shooter Munchkin? Sur table? Munchkin? Catan? Tu veux-tu jouer en français, Melter? Ah, moi, ok, excuse, oui. Eric, tu veux... Hey, finalement... Ben moi, j'ai besoin des extensions, justement, pour mon jeu de Catan. T'as d'une place à me suggérer que je pourrais aller pour voir. Écoute, ça? Écoute, moi, je vous dirais d'aller voir lepionnoir.com. Oh, cool. C'est l'architecte de votre ludothèque. Il a fallu que je me pratique en tabarnak pour la dire, cette phrase-là. Mais le pionnoir... C'est ludothèque, c'est une collection de jeux de table, c'est ça? Ben, c'est parce que c'est ludique, donc ludique, jeu, divertissement, ludothèque. Pas ludique. Non, pas ludique. Non. OK. Pas ludique, le gars avec la moumoute funky qui se promène dans les Comic-Con, okay, puis des conventions, puis qui passe des entrevues. Pas lui. Pas le gars qui a son channel sur YouTube, RZO aussi. Mais l'important, là, c'est le pion noir, l'architecte de votre ludothèque. Ce gars-là, là, il a 500 plus titres en français. Tabarouette. Disponible. En plus? On peut les acheter. On peut les faire livrer. Ou on peut même s'arranger avec eux autres et aller les chercher à quelque part. Mais le pion noir, c'est la référence au Québec. T'sais, selon le collectif. Puis j'ai juste allé quote sur... Quote unquote, là. Juste aller sur lepionnoir.com. Tu vas sur lepionnoir.com, t'achètes tes jeux de société, t'encourages une industrie locale, t'encourages tes chums, t'encourages du monde, tu crées des jobs. Des gens. Tu crées des gens. Tu crées pas de gens, mais t'es encourages. T'encourages ces gens-là. Mais t'encourages surtout le fun. Parce que OK, le seul moyen d'être contre le fun, c'est de pas acheter au pion noir, dans le fond. Faut exactement. Pas être avec ça. Ouais. Fait que dans le fond, tu t'en vas là-dessus, puis tu utilises le code RZOWeb, parce que, écoute bien, les membres de réseau et leurs auditeurs ont des avantages écœurants. T'sais, dans le temps, vous souvenez-vous de Teddy puis le Club Z, là? C'est pareil. Mais mieux. Ouais, fait que t'as les jeux gratuits? T'as pas les jeux gratuits, mais t'as 5% de rabais sur ta commande, nice. Eric. Oh. 5%, là, c'est une taxe. C'est mieux que rien, man. C'est-tu la taxe provinciale? Ah, non, je pense pas. Non, la provinciale, ça doit être celle qui est à 9.4, ça, d'après moi. Là. Je dis ça de même, là, mais... Donc, lepionnoir.com, 500 plus titres en français, RZO Web comme code, vous avez 5% de rabais. Puis après ça, ben, pétez de la broue dans vos parties pendant que le monde sorte leur vieux jeu de poche au camping, puis que vous autres, vous faites « Hey, on pourrait jouer à des affaires bien plus hautes que... » Comme Zombie Dice. Hey... Comme Zombie Dice, comme Olympos ou comme Shrimp, version française. Shrimp. Shrimp. Écoute, je sais même pas c'est quoi, je suis sur le site présentement, je clique. Mais je suis curieux, Shrimp version française s'appelle... C'est ok. C'est pas crevette, non, c'est non, mais regarde, Shrimp version totalement française. Aléatoire, Shrimp. La star de 1000 recettes revient sur le devant de la scène dans un jeu d'observation de rapidité complètement délirant. Observez bien les cartes crevettes réparties dans trois plans, mais méfiez-vous, ces facétieux crustacés sont... Tabarnak, ces facétieux crustacés sont de taille, de nationalité et de couleurs différentes. Dès que vous repérez au moins un critère commun entre les crevettes posées, criez-le et jetez-vous sur le pot de mayonnaise pour remporter le contenu des trois plats. Le joueur qui cumule le plus de cartes l'emporte. Contenu 81 cartes, 3 plats, un sac de poète-poète mayonnaise, la règle du jeu. J'aime pas mayonnaise, mais se pitcher sur un pot de mayonnaise, ça a l'air cool. Des crevettes, de la mayonnaise, puis des nationalités diverses. Come on, c'est une veillée. Quoi à pas aimer là-dedans? Lepionnoir.com, l'architecte de votre ludothèque. Allez l'encourager. RZ Web comme coupon, 5% de rabais. Donc, de retour après cette courte pause. Eric? Oui? Tu sais de quoi on parle aujourd'hui? On parle des top 5 déceptions et top 5 surprises de notre... Vie de gamer. Ben, pas de gamer, de geek en général. Sujet inspiré de Pierre-Luc de Trois-Bières. Merci ouais. Pierre-Luc pour la suggestion. Écoute... Il y a des bonnes idées, Pierre-Luc. Ouais. Écoute, moi je trouve encore que le nom de leur épisode crossover, Sloppy Disk avec Guy Collectif, c'était incroyable. Si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter cet épisode avec Trois-Bières, puis laissez-leur un commentaire de 5 étoiles sur iTunes, les boys le méritent. Fier partenaire de réseau aussi également. Fait que, tu sais, on est une petite clique au Québec de podcasteurs, mais on a beaucoup, beaucoup d'émissions de qualité, puis... Ça en est un, justement, un fournisseur de contenu qui est très original. C'était quoi, ça? Ça, c'est un horde qui a pris un drapeau dans un battleground. À chaque fois qu'on parle en bien d'un podcast québécois, Eric reçoit une notification sur son téléphone avec ce son-là. Fait que là, comment est-ce que ça a fonctionné? On fait chacun un top... On commence-tu avec le... La frustration avec l'amour. Moi, je dis à go, on crie toutes les trois en même temps nos tops, toutes confondues. Ça va faire un peu cacophonie. Moi, je pense qu'on devrait peut-être pas faire ça au complet. Non, OK. Mais moi, ce que je vous propose, on va y aller un à tour de rôle. On va faire... Voulez-vous commencer par... Attends, quelle sorte de sandwich qu'on fait? Est-ce qu'on fait un sandwich d'amertume avec un bon fond ou on fait une bonne sandwich avec un arrière-goût pourri? Moi, je down pour un sous-marin. OK, un sous-marin. Comme Anne-Marie Lozic. Non, comme Joël Martel. Comme Joël Martel. Un bon sous-marin. Un bon sous-marin. Fait qu'en gros, Joël Martel. On part de même. OK. Fait qu'on part de même, mais on part de même comment, là? C'est ça qu'il faut savoir, là. Moi, je me fie sur vous autres, les gars, là, sur vous autres qui avez de l'expérience. Moi, vous le savez, je suis juste le gars qui a des micros. OK, ben je commence avec mes déceptions. T'es fait tout ou t'en fais rien qu'une? Moi, je dis que j'en fais... Moi, je dis que je le fais. J'en call out un. On entend qu'est-ce que vous autres vous en passez. On essaie de pas trop déraper, puis on va à mes prochains. Mais on se met comme un time limit. Moi, j'ai préparé un soundboard pour le pourri ce soir. Donc, je vais avoir un effet à faire jouer après les trucs négatifs. OK. Fait que je t'invite à débuter, Eric. OK, fait que mes premières déceptions que je me souviens de dans, on va dire, dans la geekitude, dans les jeux vidéo, etc. Ça, il y a des gens comme... J'ai eu des discussions vraiment weird avec des gens dernièrement. Je me suis rendu compte que je suis vieux, peut-être. Mais c'est les premiers ports d'arcade au Nintendo, quand j'étais jeune. Je me rappelle être un genre de kid. Moi, je viens vraiment de la génération où j'allais jouer des jeux. Tu sais, j'allais jouer Double Dragon, j'allais jouer Ninja Gaiden. J'allais jouer plein des jeux à l'arcade. Je payais mes 25 sous pour jouer à ces jeux-là. Je dépensais bien du temps. Puis, désolé, dude que j'ai discuté avec en soirée de Papa Cassette, dont j'ai oublié le nom. Mais non, Ninja Gaiden au Nintendo n'est pas plus beau graphiquement que Ninja Gaiden à l'arcade. Ben, tu sais quoi, justement, là, quand j'ai... Je vais faire ma première, là, puis ça c'est, faut, je vais avec Ninja Gaiden, parce que Ninja Gaiden, ça reste quand même un de mes jeux préférés ever au Nintendo, là. Mais quand j'ai joué à Ninja Gaiden 1 au Nintendo, après avoir joué à Ninja Gaiden à l'arcade, fait des recherches de Ninja Gaiden arcade, imagine-toi que t'as 7 ans, tu joues ça à l'arcade, puis après ça, tu vois... Le Ninja Gaiden au Nintendo, tu réalises que ton Ninja Gaiden, il y a comme 48 sprites de moins. Ça faisait un gros effet, là. C'était ça la différence? Regarde, si jamais tu regardes, là, comme graphiquement, l'arcade dans le temps, là, comme il y avait pas de. Il y avait une grosse gap. Vous l'avez vu sûrement. Là. Comme il y a une grosse gap arcade à la maison. Puis moi, c'était une de mes premières déceptions, je m'en rappelle, dans les jeux vidéo. C'était de m'attendre, comme louer la cassette de Ninja Gaiden, la mettre dans mon Nintendo, m'attendre de quoi d'incroyable, puis réaliser que c'était gros de même. Ou encore mieux, Double Dragon, avoir même pas un mode 2 joueurs. Je comprenais rien. Ben pendant longtemps, c'était des versions downgradées de l'arcade. Là. Exactement. Ben c'était une version originale, puis Ouais, j'ai non, mais pour, aimer, pour plein de jeux, même au Super NES, par après, là, les Mortal Kombat, les Killer Instinct qu'on mais jouait. Mais ils commençaient à être, ils commençaient à être plus proches. Mais il y a un Mortal Kombat 2 d'arcade, puis un Mortal Kombat 2 du Super NES. Il t'a un gap encore incroyable. Sais-tu quoi? Mortal Kombat 2 arcade versus Mortal Kombat 2 Super NES. Je pense que Mortal Kombat 2 Super NES est un des plus meilleurs ports. Il commence à être là, mais, non, mais quand tu le vois quand là, tu mets les deux un à côté de l'autre. Mais faut que tu compares Mortal Kombat 1, quand ils ont fait Mortal Kombat 1. Dégueulasse. Ils l'ont sorti au Super Nintendo, puis t'avais même pas le sang, puis t'avais la sueur, puis t'avais même pas les mêmes combos, puis des affaires comme ça. C'était boboche, puis le 2, ils se sont vraiment reculés. Mais anyways, ça c'est déception numéro 1. Dis-tu ma prochaine ou... Écoute, tu peux y aller avec... En fait, non, Milter va y aller avec une prochaine. J'aimerais ça que... Moi, il y a une de mes déceptions de geek dans ma vie, puis j'ai quasiment le goût de rester dans le sujet un peu segway à Eric. Juste le fait que on dirait qu'il n'y a plus d'arcade aujourd'hui. Quand que les consoles maison ont atteint un certain niveau, le monde... Puis en plus avec le online, ben, le monde, ils ont juste arrêté. Il y en a plus. Moi, avant, quand j'étais jeune, c'était ma sortie. Je me pognais un petit 2$ à tous les soirs, puis j'allais à l'arcade au coin de ma rue, puis c'était peut-être pas ma soirée au complet, mais je passais au moins une heure et demie là-bas. Je retournais chez nous après, puis je me trouvais d'autres choses à faire ou j'embarquais sur ma console. Mais le feeling arcade, il n'a plus. Puis c'est pour ça que je suis content des soirées à Papa Cassette qu'on parlait tantôt ou de quoi, justement, parce que il y a le côté compétition amicale avec du monde sur le spot. C'est pas tout du online à Star. Ce côté-là, il est moins présent. Puis t'es obligé de sortir de chez vous, à retourner dans des places. Mais quand vu qu'il n'y a plus d'arcade. Aux soirées Papa Cassette. Il y a exactement ce feeling-là. Mais c'est vrai que le ils ont tous disparu, de jouer les dans le places. Salon ensemble. Puis c'est con, t'es obligé de se faire, tu sais. Moi, je faisais beaucoup ça dans les dernières années, surtout avec mon collègue à la job, Patrice, là, mais on se faisait des LAN. Ouais. Mais tu sais, c'était fallait amener notre console, amener notre écran, puis toute la quête. Ça s'en venait compliqué. C'est plus là. Simple de jouer à plusieurs. C'est pour ça que j'aime des jeux comme, mettons, Mercenary Kings The Tribute, que tu peux plugger plusieurs manettes, peu importe le système que tu as, puis tu peux jouer à plusieurs jusqu'à 4. C'est facile, c'est le fun, c'est intuitif. Fait que tu sais, c'est vrai que la mort du co-op est arrivée pas mal avec la dernière génération de consoles qu'on a eues. Tu sais que... Tu peux plus jouer à deux sur le même sofa. J'ai une parenthèse, une observation que j'ai eue justement au soirée Papa Cassette, parce que c'est quand même un gap d'âge. T'as du monde dans leur début vingtaine, t'as du monde dans leur début trentaine. Tu vois vraiment la génération arcade, puis tu vois vraiment la génération console dans le même bloc. Ouais. Puis ça fait vraiment, tu vois vraiment une différence. Comme ça a l'air drôle, mais tu vois vraiment les plus jeunes qui vont vraiment se parker en avant d'une console à jouer avec leur ami à la console, mais comprend zéro le trip. D'être 8 à gueuler autour d'une machine. C'est pis, ça, puis attendre ton tour. Pis ça, mettre c'est... le 25 cents là, sur l'écran. Là. C'est ça. On a commencé à le faire, ça, justement. Là, on n'avait pas de 25 cents la dernière fois, je sais pas pour casser, mais on mettait nos cellulaires. Ouais, c'est un début. C'est... OK, fait que... Ben moi, le manque d'arcade, là, arcade, ça me déçoit arcade. Beaucoup. C'est... Mais il y en a encore. Tu peux te trouver comme ça quand tu es au cinéma. Il y en avait beaucoup avant. Non, mais, tu sais, oui, mais... Moi, je comprends ce que tu dis. Il y en avait des dépanneurs. Mais ouais. Tout, là, ouais. Sauf que là, il n'y en a plus. Écoute, moi, c'était un peu différent. C'était en 2002. Puis, tu sais, je vais y aller avec. Je pars de moins loin, mais tu sais, c'est dans mon top 5 déceptions geek à vie. J'étais un gros tripeux de téléséries. J'adore les téléséries. J'en mange beaucoup. Puis, j'aime. J'aime beaucoup les téléséries de super-héros, même si, tu sais, le monde, ils disent que c'est un peu la renaissance, le nouveau Marvel, DC, Arrow, il y a un paquet d'affaires de même, tu te quittes. Puis là, t'as eu Gotham, qui a commencé il y a pas longtemps. On que... a pas parlé, mais c'était bon, ça. Ben, ouais, j'aime puis j'aime pas, je sais pas, c'est sûr. J'ai les trois affaires. Épisodes de prête à écouter, mais j'ai pas le temps de regarder ben, encore. Écoute, j'ai le goût, par exemple. Je suis motivant, tu dirais. J'aime ça. Le gars qui fait le Penguin, il est super bon. Je l'adore. J'ai lu sur le net en plus. Que... C'est ce que tout le monde dit. J'ai ben, eu hâte de le voir. Le gars, en plus, juste à donner un exemple, j'ai lu dans un article, il a mentionné à la presse, il dit, tu sais, pour marcher tout croche, je me cache du petit change dans les chaussures avant d'enregistrer pour être sûr de pas oublier de marcher croche comme le Penguin. Ouais. Tu sais, c'est des affaires cool, mais pour moi, ça a commencé, les super-héros à la télé, avec une émission en 2002 qui a été cancellée après 13 épisodes, qui mettait en vedette Ashley Scott, Tina Meyer, Shemar Moore, qui est comme un black dude générique qui a joué dans un paquet d'affaires dans le même. Je pense que je joue dans Criminal Minds. C'est Birds of Prey. Ah ouais. Il a fait une adaptation à la télé de Birds of Prey. Dans le fond, pour ceux qui sont pas familiers avec, c'était fortement inspiré de la BD. Donc, Batman a juste comme décroché. Il a fait fuck off. Moi, je t'écœuré, je me bats pour rien. Il est pris en retraite. Et la fille illégitime de Batman et Catwoman, qui devient The Huntress, ouais, dans le fond, qui est comme une meta-human. T'as Black Canary avec. Puis, finalement, t'avais Oracle, qui est Barbara Gordon, dans le fond, qui s'est fait tirer par le Joker. Fait que ça, c'est situé, c'est hautement inspiré des BD. Es-tu paraplégique là-dedans? Elle est paraplégique, ouais, parce que c'est après The Killing Joke, dans le fond, ouais, okay, où le Joker fait tirer, ça, la tire. Puis, moi, j'avais vraiment adoré cette télésérie-là. C'était dans le temps, tu sais. Mais t'avais même adoré ou pas? Je pensais, non, tu moi, pensais que c'était ta déception. Mais ma déception, c'est qu'ils l'ont cancellé. Ah, ok, ok. Je pensais que la série t'avait déçu. C'est dans le fond, les débuts des années 2000 où les téléséries, dans le fond, c'était des gros investissements d'argent pour les studios. C'était pas encore établi comme aujourd'hui. On dirait qu'une télésérie, c'est quasiment plus haute qu'un film. Ben, c'est ce qui arrive, puis c'est qu'il y a beaucoup moins de projets. Ben, tu sais, il y en a quand même qui se font canceller, ouais, mais on dirait que c'est beaucoup plus raffiné. Puis ils ont trouvé le moyen de, même s'ils se font canceller à la mi-saison, de donner quand même une fermeture à leur... à leurs auditeurs. Tu sais, je prends, mettons, Stargate Universe, qui est une des séries que moi, j'ai adoré, que ça finit, mais il donne pas une fin, mais t'as un sentiment de closure quand Stargate Universe arrête. Birds of Prey, j'ai pas eu ce sentiment-là avec la série. J'avais adoré ça. Puis, tu sais, c'est une de mes déceptions en tant que geek. On s'entend, Birds of Prey, Firefly, il y avait aussi Fastlane dans le temps, ouais, qui est une des premières séries que j'ai accrochées, qui était faite par Fox. Puis McG. C'était les deux polices de char, là, genre. Les deux polices de char, puis il y avait le Candy Store, puis là, ils rentraient là-dedans, puis c'était comme, ouais, OK, là, tout ce qu'on saisit aux voleurs, on s'en sert pour se créer une fausse vie, pour aller en repogner d'autres. Fait que, tu sais, il y avait accès à tous les chars qu'ils voulaient, le cash, puis tout. Avec la fille, comme, cute un peu, leur boss. Tiffany Amber Thiessen, qui était leur boss, justement, puis... C'était pas si pire, ça, par moi, exemple. J'avais vraiment aimé ça. J'avais réussi à les retrouver à un moment donné, parce que j'ai jamais vu les DVD ou les Blu-ray de fête de Fastlane. Il y en a. Je les ai déjà eu. Faudrait que je sois capable de les acheter à un moment ancien job. Mais c'était genre deux saisons. Ils ont même pas toutes faites. Non, c'est ça. Puis... C'est ma première grosse déception. C'est tous ces bons shows-là qui se sont fait tirer à plug, puis je comprenais pas pourquoi. Party of Five. Grève d'auteur dans le temps. Party of Five. What the fuck, dude? Mais ouais, la grève d'auteur qui est venue nous scraper Heroes plein comme ça. Ouais, se pouvait Heroes. Pas, plein c'était tellement affaires. Bon, ça. Puis tu sais, Heroes, on dirait, tu sais, tantôt on parlait je voulais du le mettre chien dans mes déceptions, qui veut pas mourir, ça. Là. Mais tu sais, Heroes, c'était un peu ça. Là. C'est ouais. Comme tout le monde a voulu ramener Heroes. Pis... Mais en gros, c'est ça. Pour revenir initialement, là, c'est Birds of Prey. Moi, j'étais très déçu que Birds of Prey se fasse canceller. Si vous avez la chance, il y a quand même 13 épisodes. Et contrairement à Gotham, ce qui m'a fait triper dans Birds of Prey, puis ce que je déteste dans Gotham, ils ont été un peu trop dans le cliché ethnique pour Alfred dans Gotham. Oh, ouais. Bloody hell, you fucking wanker! C'est comme... Il est trop cliché, il sacre, il est... Tu sais, Alfred, c'est il comme... Il est raffiné d'habitude. Ben, Alfred, c'est ça, c'est le gars qui crime. Il prend la force brute, puis la... Mais, tu sais, mais le dark side de Bruce très Wayne... très britannique, par exemple. Ben, c'est vrai il qu'il est britannique. Il est hyper cliché, peut-être pas avec le sacrage, nécessairement, mais... Mais j'aime pas l'attitude qu'ils ont donnée à Alfred dans Gotham, puis tu vois, dans... Mais pourquoi que t'attaques Alfred, puis tu dis rien de Fish Mooney, là, je veux dire... Ce serait la même affaire, là. Foxy Brown, Jada Smith. Star. Ouais, mais elle me tape un peu moins ses nerfs. Honnêtement, je la trouvais écœurante en passant. Là, Alfred, pour moi, c'est un personnage. Harry Puff, Black Catwoman, dans le fond. Là, ouais, mais c'est Eartha Kitt, là. Eartha Kitt, c'est ça. Je trouve Black que le personnage Catwoman. De Jada Smith mais est écœurant. Où je veux en venir avec ça, c'est que moi, j'ai de la misère avec Alfred dans Gotham et dans Birds of Prey, c'était le même Alfred que dans les films de Batman avec Michael ouais, Keaton. Ben il est mort. C'était le même acteur qui faisait ça dans le temps. Parce qu'il est mort. Puis c'était le fun parce que justement, il s'occupait d'Huntress. Les annonces de Schweppes aussi. Mais c'est il ça. Est mort. Et voilà. Bon, il est mort, mais dans le temps, il était vivant en 2002, par oh. exemple. Ah ouais, ouais, ben c'est ça. Ce gars-là, je pense qu'il a fait tout plein d'Alfred. C'était comme le gars que peu importe le film, il restait le même Alfred jusqu'à temps qu'il est mort, dans le fond. Ben, comme le gars qui avait fait les annonces de Sony, dans le fond, puis qui après ça, il faisait les annonces de Tire de Goodyear, puis il faisait le même rôle. Puis même, je pense, Sony avait essayé de le poursuivre en disant « Hey, t'as pas le droit de jouer ce rôle-là. » C'est moi. Pour... Chris, je joue moi-même. Fuck off, là. Ouais, c'est déception, c'était ça. Birds of Prey, allez écouter ça, là. C'est le fun. Fait que moi, je vais continuer là-dessus. C'est une déception ou une surprise? Hein? Déception. Oh! Faut que je mette un petit peu de contexte. Ben, on fait toutes les déceptions avant. Ouais, je pense. On fait les déceptions. Okay. Fait que j'ai 6-7 ans. J'ai quasiment toute la série imaginable de jouets de He-Man. Oh. Je joue à He-Man et Bonhomme. J'ai toute la gang. T'avais-tu les Battle Armor He-Man? Parce qu'il y avait comme le signe qui tournait. Quand t'es touché. J'avais ça, tout. C'était cool. J'avais Castle Grayskull. J'avais le castle de Skeletor. Snake Mountain. J'avais tout ça. J'étais un fan fini de He-Man. J'adorais le cartoon. Puis, je m'appelle Milter, il disait qu'il sait. En tout cas, Milter, il hate un peu le fait que j'étais capable d'être branché à cet âge-là. Ouais. Mais je lisais des magazines. Puis. C'est d'enfant informé. Puis, je m'en rappelle juste. Je m'en rappelle comment on jasait. Quand j'étais kid, je m'en rappelle parler de comment est-ce qu'ils font un film sur He-Man. Puis que Dolph Lundgren va jouer dedans. Puis, c'était la grosse affaire. J'étais allé au cinéma voir ça. Pis c'était une de mes premières déceptions ever où ce que j'étais tellement déçu que ça n'avait pas de l'air du cartoon que je connaissais. Je sais pas c'est quoi qu'il avait essayé de faire, le voyage dans le temps. Et Dolph Lundgren voulait un chèque de paye. Ben, juste He-Man qui vient dans notre monde avec des guns. Ça fuck toute l'affaire de pourquoi là, c'est ça, là. Puis comme le seul temps où ce que t'as retourné dans le monde de He-Man, je pense qu'ils ont même je me rappelle, il y avait la set-piece. C'était au travers d'un portal. Moi, c'est ça. Puis le portal, il avait même apporté une partie de la scène de la Terre où ce qu'ils sont en train de se battre dans le monde de He-Man, mais comme t'as un char coupé en deux, puis ouais. En tout cas, grosse déception pour moi. J'étais très triste quand j'étais allé voir ça. J'étais fru un peu, puis je comprenais pas pourquoi qu'il faisait une chose comme ça. Je suis un peu jaloux de pas être un kid en 2014, parce que un kid en 2014, lui, quand il s'attend à voir un film de Teenage Mutant Ninja Turtles, ben il a qu'est-ce qu'il veut. Nous autres, on n'avait pas ça. Ben, gars, moi, je vais continuer, là. Ben, on l'a eu, notre film. Moi, excuse-moi, mais le premier Ninja Turtle au ciné, je l'ai aimé. Là. Ben, gars, ouais, moi, pour continuer dans les déceptions, film tout, là, une de mes déceptions de jeunesse, ben, Teenage Mutant Ninja Turtle 3. Ouais, le petit ben, film. Non. Gars, moi, ma logique de jeune, là, c'était, wow, le 1, il était écœurant, hein? C'est tellement bon comme film. Le 2, il est quasiment meilleur. Les origin stories. Le 3, il est produit par Savannah, quelque chose comme ça. Les origin stories avec Vanilla Ice. Pis tout, t'arrives dans le 3. 5 minutes au début, boum, il touche un asti de genre de chandelier japonais du passé, puis boum, il se retrouve dans la Chine antique ou Japon antique ou je sais pas quoi, m'en colle. Puis c'était... Qu'est-ce que c'est ça, là? Pendant 1h30, t'es comme... Quoi? Mais je peux-tu renchérir là-dessus? Parce que, tu vois, j'ai été comme toi, quand j'étais jeune, j'écoutais le 3, je l'ai trouvé à chier. Ouais. Mais il y a des BD, puis tout, qu'il y a des petits liens avec ça, puis tout, que tu lis plus tard, peut-être plus vieux, mais sur le coup, pareil, c'était une des plus grosses déceptions de ma vie, là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Maintenant que t'as relu les BD, Joe, là, je t'invite, ça a l'air con, mais va le réécouter là, après avoir lu les original BD des Eastman and Nerd, là, puis tu vas comprendre un peu pourquoi ils sont allés dans cette direction-là. C'était très cheesy, pareil, mais ils ont botché le film. Ils l'ont, ils auraient pu faire de quoi de cool avec ça. Mais c'est vrai que dans le temps, c'était comme « What the fuck? » Même là, hors contexte, le monde les connaissait pour le cartoon et non pour la BD. La BD était encore très underground dans un sens. Baltimore avait besoin d'un chèque de paye. Toute la gang avait besoin d'un chèque de paye, je pense. Puis c'était une déception, en tout cas. C'était juste pour ça. Ben écoute, pendant qu'on est dans un film, puis on va se donner nos déceptions, là, parce qu'il y en a d'autres, le mauvais film de notre jeunesse. Okay, moi on va faire une petite devinette, vous allez découvrir ma déception. Il y a un des méchants qui ressemblait à Chocolat dans les Goonies. À Bobo. Allez. Le Double Dragon, le film. Double Dragon. Le pire, c'est que je l'avais en idée. Il nous a pas dit ça au début. Man, Double Dragon, le film, honnêtement... Là, avec Scott Wolf de Party of Five, on jase, là. Oui, puis avec le méchant que c'était... Après ça, c'est le méchant qui avait fait le T-Min, hein, je pense, dans... C'est lui qui est devenu. Il faudrait que je check sur IMDb. Il y a un cyberpunk world là-dedans. Ouais, mais, comme... l'ambiance était supposée d'être cool, puis c'était n'importe quoi. Puis... Ça suivait même pas. Déjà que les jeux vidéo se suivaient pas, fallait que le film se suive encore moins. Ouais, c'était un peu ça. Mais les années 80-90, c'était un. Tu sais, c'est là qu'un concept te permettait de faire un film. Ouais. Tu sais, c'est là que tu pouvais dire, puis. Le rendement était pas important. T'as pas d'histoire de base, ben moi je vais t'en créer une. Puis écoute, c'était n'importe quoi là. Je me souviens leur médaillon qui mettait ensemble comme les deux jumeaux qui se mettaient leur bague ensemble qui se transformaient en animal puis en objet. C'est une marde. Ah non, c'est débile. Hey, je suis même pas capable de le trouver sur IMDb Double Dragon. Ben, il a essayé de l'oublier. Il y avait pas Mark Decosa, le Crow, là, le gars qui est devenu The Crow. Ouais, là, un genre de Latino, Chinese Latino. Mark Decascos, là, qui est host of Iron Chef. En 1994, il y avait Robert Patrick. Il y avait Mark Decascos. C'était Robert Patrick qui était le méchant. Scott Wolf de Party of Five. Ben c'est ça, puis Scott Wolf, Christina Wagner, c'était n'importe quoi, honnêtement. Là. En 1994, 1h36, que je ne reverrai jamais de ma vie, par contre, une fois que j'ai pogné 21 ans, puis que j'ai commencé à virer des brosses avec mes chums, Double Dragon était devenu un excellent film d'après-midi à TQS. Oui, oui. Tu sais, on s'entend, là, t'étais dans le mode où, genre, lendemain de brosses, comme Street sûr, Fighter de movie, qui est dans les mêmes veines, d'après moi, ou... Ouais, une grosse déception, celle-là. C'est des attentes de jeunes, tu sais. Non, mais tu sais, tu passes Robert Patrick, qui était dans plein de films. Il a fait le méchant dans Terminator. Ouais, il a fait un paquet d'affaires. Puis là, il est rendu, il joue dans Scorpions à NBC, qui va sûrement être cancellé dans même pas comme 5 épisodes encore, là. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Pauvre gars. Donc. Fait que toi, c'était ça, là. Moi, c'était ma déception, Eric. Il nous reste 3 déceptions et il nous reste 5 bons coups. Ben, je vais continuer avec mes déceptions. Ma déception, une de mes grosses déceptions, puis faut que je mette au clair avant, cette déception-là est devenue une des affaires les plus cool que j'ai jamais eues. Mais au début, j'étais très déçu, puis ça m'a fait réaliser bien des choses. Mais c'était la PlayStation 2 pour moi. C'était une des T'as plus grosses. T'as été déçu par la PS2, toi? C'est parce que le problème avec le PlayStation 2, c'était que j'ai acheté la PlayStation 1. Moi, j'avais fait. Tu sais, quand j'étais dans ma fin. Adolescence, j'étais un petit comme s'il y aurait eu l'internet plus développé, je serais officiellement comme le genre de fucking fanboy là qui envoyait chier tout le monde qui aimait pas ma console. Puis dans ce temps-là, j'étais vraiment vendu Sony là, comme tellement là que je me présentais dans le EB Games parler à random dude qui travaillait là. Juste pour le planter sur toutes ses opinions, sur toutes les autres consoles, pour lui dire qu'il y a le Holy Grail qui s'en vient dans pas long, ça va être la PlayStation 2, ça va chier sur tout, puis rien d'autre devrait exister. Puis quand la PlayStation 2, elle s'est fait hyper dans une manière, si des gens de mon âge qui ont suivi le hype du PS2 dans des magazines, Milter, ouais, ben dans cette époque-là, j'étais plus ben, y avait des, Game Pro. Puis dans ce temps-là, il y avait l'Internet aussi. Là. T'avais videogames.com avec GameSpot qui commençait à avoir. T'avais des vidéos que tu pouvais avoir si t'allais genre au Rogers Video en Ontario pour voir le high-speed Internet. Ou pis, dans les microplays aussi. Il n'y avait pas de microplay dans les Rogers Video, malheureusement. Non, mais il y en avait à l'extérieur des Rogers. Oui, mais il n'y avait pas le démo du high-speed cable Internet. Moi, man, c'est... À cette période-là, là, c'était genre un café internet, un microplay qui pédalait du vieux old school game, puis tu le quittes, en dessous d'une allée de bowling, okay, sur le boulevard de Laurentides à Pontvieux-Laval. J'avais le microplay, mais mon microplay n'avait pas accès à internet. Mais tout ça pour dire que je suivais, comme j'allais voir des previews de la PlayStation 2, je m'en rappelle lire... T'avais des fucking George Lucas là, qui avait un quote qu'un jour je vais retrouver, puis j'avais déjà dit dans le show dans le passé, mais son Christy quote où ce qu'il disait que le combat sur Naboo sur le PlayStation 2, tu pouvais l'avoir en temps réel dans un jeu vidéo. Puis dans ma tête, j'étais comme, mais là, cette console-là va être tellement fucking forte, ça a aucun Christy de bon sens. Puis je m'avais hypé au bout. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était tout du smoke and mirrors, puis j'étais énormément déçu avec les résultats suivant ça. C'était loin d'être aussi beau que je le pensais. Je me suis acheté une Dreamcast par frustration, juste pour apprendre que ma Dreamcast, elle venait d'être cancellée. Discontinuée 6 mois après. Non, moi, mon histoire Dreamcast est assez laide, en fait. Là, j'ai acheté la Dreamcast, j'avais pas d'internet. Je venais d'acheter la Dreamcast. Je suis dans l'autobus pour retourner chez moi. C'est une longue, j'ai une ride de comme 25 minutes pour me rendre chez nous. J'ouvre mon Next Generation magazine. Puis comme j'aurais dû peut-être lire mon Next Generation magazine avant d'acheter ma Dreamcast, mais j'étais pas si branché que ça. Puis là, j'ouvre le magazine, puis je vois une photo de Sonic the Hedgehog qui est en train de tirer la plug sur le Dreamcast. Puis c'était tout un article sur comment le Dreamcast, c'était pour être allé en production. Mais anyway, c'est tout ça pour dire, ouais, le PlayStation 2, grosse déception pour moi, mais ça me fait réaliser qu'être un fanboy, c'est fucking dumb. J'ai réalisé très vite là, que après ça que j'étais fini mes jours de fanboy, j'ai très maturé à cause de ça hype, au niveau du hype. Moi, j'ai eu mes premiers gros coups parce que j'ai réalisé que si je m'embarque dans le hype, je me set up juste pour la déception. C'est pour ça que je fais beaucoup de la satire sur les fanboys. J'aime beaucoup piquer les nerfs. On a appris jeune de ces déceptions là. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai vu il y a des gens, je pense, qui pensent que je suis vraiment fanboy encore, puis ils ont pas compris le sarcasme en arrière de ça. Puis ça, c'est good, je veux dire. Ouais. Je suis pas une petite fille de 16 ans qui fait semblant qu'elle est une pute pour pogner de l'attention, là. Mais quand ça vient être le fanboy, j'aime piquer des fanboys, là, juste pour les voir sortir. Je suis pas un stupid, là, qui fucking fait semblant qu'il aime Jean Charest quand il aime vraiment, mais il veut pas l'avouer. Mais des choses comme ça, tu sais, j'aime. En tout cas, le PlayStation 2 m'a appris de pas être fanboy. Ben, moi puis c'est devenu la meilleure console que j'ai jamais eu de ma vie en passant je, après. Hein. Je vais me permettre PS2. De briser le triangle isocèle parfait de back and forth qu'on a entre nous. Mais ça l'allait si bien, André. Non, moi je fuck le chien, le Milter parlera après. Je m'excuse, Joe. Moi, tu vois, regarde, tu m'as rappelé une de mes déceptions, parce qu'on parle de top 5 déceptions ouais. dans notre vie de geek. Etc. Moi, c'était pas au lancement du PS2, mais je te dirais, ça a été pas trop loin du lancement du Xbox. J'ai commencé à travailler dans le commerce au détail du jeu vidéo. Une de mes déceptions dans ma vie a été de commencer à travailler dans le commerce au détail du jeu vidéo. Là, il y en a qui m'entendent puis ils font comme « Chris, t'es bien cave, t'as passé 10 ans là-dedans, t'étais déçu depuis Day One. » Puis j'ai été déçu d'être l'autre bord du comptoir parce que je peux me vider le sac puis je peux en parler. Pouvoir partager un petit peu les opinions. Je vais utiliser ma phrase cliché présentement, mais les opinions sont mes opinions et ne sont en aucunement les opinions de mes employeurs précédents, actuels et futurs. Mais je travaillais pour GameBuzz. Hein? Je travaillais pour GameBuzz. Non, pas en tout. Mais autrement dit, j'ai été le gars l'autre bord du comptoir puis dans ma tête, c'est... Écoute, André, suite à l'entrevue qu'on a pris, tu vas pouvoir venir travailler dans un magasin de jeux vidéo. Fuck yeah! 40 heures semaine, magasin de jeux vidéo, les nouveautés, alright! J'arrive là-bas, puis en réalité, t'es en arrière du comptoir, puis à chaque semaine, t'as quelqu'un qui vient t'acheter Mario pour son Xbox, puis qui comprend pas quand tu expliques que ça existe pas. Puis ça, c'est correct. À la limite, ces clients-là, c'est correct. Vous êtes mal informés. Vous êtes mal renseigné, il n'y en a pas de problème. Mais il y a aussi des moments où j'étais pogné en arrière du comptoir pendant que, écoute, le meilleur Soul Calibur, c'est le Soul Calibur de telle époque parce que l'édition américaine ne contenait pas telle affaire. Puis ces gars-là, dans le fond, ils achètent rien, ils s'ostinent, ils prennent la place, puis ils font perdre mon temps. On est vraiment désolé de ça. Je m'excuse de t'en dire. Non, mais en fait, c'est que... C'est de même, vous êtes connus, hein, dans le fond. Ben, non. On s'est connus par l'entremise de notre parcours de travail dans le domaine du jeu vidéo. Mais, Eric, tu vas pouvoir me comprendre là-dedans, mais avoue que il y a des phases quand tu travailles dans le commerce au détail. Peu importe le produit. Ben, moi, j'ai vécu exactement ce que tu as dit, ben, musique. Là, du monde qui me parlait pendant comme 3 heures de comment Metallica, c'est le groupe le plus heavy et meilleur que pas au monde. Puis après, le monde se demande pourquoi comme moi, j'ai des tests de tout mon cœur. Puis il n'y a pas rien que ça aussi, mais tu sais, t'as les phases qui passent, puis tu sais, t'as les gens, mettons, Metallica, c'est une crise de gang de sell-out, de tabarnak, de... Ouais. Ah, Chris, t'es bien meilleur dans le temps de Ride the Lightning. Demande-moi une copie de Garaging que je vais l'acheter pareil. Fuck, t'as pas de colonne. Mais ouais. Tu sais, toutes vos gripes que vous avez, là, puis vos trips sur Internet, puis les clients, là, puis même moi, j'ai déjà été comme ça l'autre côté du comptoir, parce que j'ai déjà été client. Puis tu sais, ton trip, t'arrives dans la boutique de jeux vidéo pis tu dis, je vais parler avec le gars de jeux vidéo, il me comprend, puis tu te quittes. Mais en réalité, là, une fois que t'as travaillé comme vendeur en arrière du comptoir, puis tu te quittes, c'est là que tu te rends compte des futilités. Ah, oh, si ton jeu, il est même pas HD, il est en HD sur ma console, puis... Ok, man, tu vas te jouer, tu vas te faire du fun, puis... Puis tu reviens un peu back to basics, il y a eu un paquet de trucs. Tu sais, le... je sonne super flou présentement, mais je suis sûr qu'il y a un paquet de monde là, que j'ai même pas besoin de m'exprimer. Ils travaillent présentement dans le commerce au détail. Je vous lève mon chapeau. Moi je peux te résumer ça d'une façon. Là, le commerce au détail va tuer ta passion. Non, ça dépend comment tu le gères. Parce que moi j'aime encore les jeux. Mais je dois avouer, par beaucoup contre, moins qu'avant. Tu dois gamer beaucoup moins qu'avant. J'aime ça autant, mais je suis d'accord avec un Milter sur un point. Il y a eu une année, par contre, que ça a fait comme... Il y a un désintérêt qui se prend quelque part. Mais moi, je suis peut-être l'anomaly là-dedans, mais j'aime travailler sur le plancher. Mais c'est parce que moi, je trouve... André, t'es un gars qui est un petit peu plus réservé. Fait que je te vois pas trop niaiser le client qui est fucking cave. Milter, je te vois le faire peut-être un petit peu plus. C'est que ça je faisais. Ben moi ça me rend heureux de faire ça. Ouais, mais que comme je veux dire... Ça me complète, comme j'adore. Toi, je trouve ton produit est un peu différent dans le sens que... Moi, exemple, là, j'avais pas le choix de faire jouer les nouveautés à longueur de journée. Fait que chaque 45 minutes, c'était un CD qui change, puis tu mettais le nouveau parce qu'il fallait que tu le fasses jouer pour vendre lui. Ben, à un moment donné, tu deviens juste désintéressé, puis le monde, ils te disent toute la même affaire. Comme André, il dit, là, le gars qui venait dire que Soul Calibur Tell était meilleur, mais une fois qu'il partait, lui, il y en a un autre qui rentrait puis qui disait le même speech. Non, mais c'est sûr que ça monte dans les ventes au détail. Fait qu'à un moment donné... Mais tu te rends compte toujours de ça. Ouais, mais quand t'arrives chez vous le soir, t'as juste pas le goût de jouer à Soul Calibur. Non, c'est pas une question moi, je vois de pas pareil. Jouer, là. Mais il y a un moment où j'ai arrêté parce que... C'est con à dire, mais tu sais, je me souviens d'une journée très spécifique. Burnout 3 vient de sortir. Burnout 3, qui est Take pour Down. Moi... Takedown, qui est un jeu incroyable. Ouais. Soundtrack jouez bottait pas contre André culs. À ce jeu-là. Non, au contraire. Venez jouer contre moi à Burnout Takedown. Ça fait des années que j'ai pas joué, je vais vous en calisser une. J'étais le pay hustler là-dessus, tu sais. Mais Burnout sort, puis je mets ça, puis c'est comme... Hey man, moi je travaille dans un commerce de jeux vidéo, faut que je fasse jouer des jeux vidéo, puis le son de jeux vidéo. C'est un jeu d'EA, il y a de la bonne musique dedans... C'est un bon jeu, il y a de la bonne musique dedans. Il y avait une tonne de Dead from Above dans ce jeu-là. Tu sais, t'avais Romantic Rights qui était dedans, puis toute la kit. C'était cool. C'était le fun, puis c'était. Tu sais, Burnout pour moi, ça a été. Je suis pas un joueur de Gran Turismo, puis dans le temps, il n'y en avait pas de Forza. Fait que tu sais, c'était vraiment le fun pour moi. Puis là, le monde est rentré, puis. Ah, oh, Burnout, quel jeu d'abruti. Moi, je joue à. Tel nom de RPG japonais bâtard que tu te promènes, tu kicks une commode pis trouves une potion. Wonderful 101. Je dis n'importe quoi, mais. Non, mais tu sais, encore pire que ça dans le temps. Je me le fais sortir comme... souvent, c'est un site, je suis comme elle. Moi, je joue à des jeux de Natsume que. Pis c'était dans le temps, moi, je suis arrivé, là, pis si la pochette n'était pas traduite, t'avais pas le droit de vendre le jeu aux enfants de la même. Fait que c'était juste ça. Tu sais, le gars, là, qui vient, il donne la merde, tu sais, genre, hostie de cave. Tu joues à NHL, puis tu payes pour NHL 2006 quand t'as le 2005. Est-ce que je vais te prendre Dynasty Warrior 5, s'il te plaît? Dude! Same fucking shit! Ouais. Puis c'est ça que le monde se rend pas compte. C'est Samurai Warrior qui est vraiment bon. Si je comprends bien, la déception d'André, c'est l'humanité en ce moment. Non, ma déception là-dedans, c'est l'élitisme, en fait, là-dedans. T'sais, c'est le monde que... Chris, c'est une passion de jeux vidéo, man. Puis l'élitisme, peu importe la passion, peut la gâcher. En gros, l'élitisme musical, l'élitisme du cinéma, si t'aurais jamais commencé à travailler là-dedans, t'aurais pas eu à vivre ça. Puis c'est là ta déception d'avoir commencé à travailler là-dedans pour avoir vécu ça, dans le fond. Ben en fait, c'est que ça a altéré ma vision d'une industrie puis tout le kit. Non, pas d'industrie. Je pourrais jamais récupérer. Ben, c'est pas l'industrie qui est... C'est l'humain. C'est sa vision. Non, mais c'est une horrible créature, ouais, des fois. Ouais. Surtout par rapport à des passions comme ça. Puis écoute, les tripeux de hockey, ils se tapent ça à yob, ça finit là. En passant, les NHL sont super bons. Ouais, ouais. Moi, ma fin, je segway avec ma déception. Puis tu vas voir, j'aurais pu continuer avec Eric à la place parce que ça fit un peu plus qu'avec la tienne. Mais André, c'est pas grave, un segway avec Eric. Mais je fais un segway de André. Ben, ça a tout un gros lien dans le fond. Oh. Moi, en passant, si tu regardes le show en buvant, segway, c'est le drinking word. Oui. Une gorgée chaque fois qu'on dit segway. Ou un sous-marin. Puis quand on dit segway, on parle de la machine que t'embarques dessus avec des grosses roues, naturellement. Puis, fait En gros, ma déception, c'était la Wii. Ouais. La Wii. Un peu comme Eric, c'était supposé d'être révolutionnaire, tu bouges, tu faisais du yoga, c'était malade, tu jouais en famille, tu es super heureux dans ton petit salon super beige et propre, puis il te montrait des jeux incroyables, puis tu sais, ça revient carrément à tout ce que t'as dit pour la PlayStation 2, fait que tu sais, je veux pas étirer ça, là. Non, ben, c'est parce que tu vois, moi, justement, à cause de qu'est-ce que j'ai vu à cause de la PlayStation 2, la Wii, je l'ai approchée de manière mature et j'ai très bien apprécié ce qu'elle avait. Moi, c'était le fait qu'il te montrait ça comme si ça fonctionnait. Ben, comme si, tu vas me dire que le bowling fonctionnait pas? On sentait qu'il avait de l'air fonctionner caliquement mieux dans les vidéos qu'il nous montrait que quand il était vraiment dans... Le bowling. Moi, je pense que bowling, c'est mieux que Destiny. La boxe. Hey. La boxe, c'était le fun. Oh, ouais, mais zéro sweet fuck all feeling. J'avais même pas de fun, sérieux là. Le tennis marchait bien. J'attendais la manette. Ah, ouais, tennis, c'est ça, pourri. C'est un petit jeu de merde là. Tu sais, c'est. J'ai joué à un vrai jeu, genre Marvel Ultimate Alliance là-dessus. Non, ça c'est. Hey man, shaker ma manette pendant 45 minutes pour shooter des shards de glace avec Iceman là. J'étais juste comme, qu'est-ce qu'il pensait à un moment donné là, le motion capture, puis il pensait que c'est ça le futur là. Je me disais, le monde... C'est bien mieux une caméra qui track tes mouvements. Ben, Chris, ça marche mieux, puis il n'y a rien que tu touches dans tes mains, c'est con. Je dis pas que c'est mieux, vraiment, puis je vois même pas l'importance de toutes ces affaires-là encore aujourd'hui. Mais des fois, se dire que t'es avant-gardiste, c'est pas toujours la meilleure affaire, là. Puis c'est plate à dire, mais c'est à partir de là que je pense que j'ai commencé à me mentir avec Nintendo, puis que j'ai continué d'acheter tous les jeux, comme je disais un peu le dernier épisode. Puis j'achetais mes Mario Sunshine, puis mes Mario Galaxy, puis mes Mario... Mario Sunshine, non, je voulais dire Galaxy, là. Mais autre, je pense que t'es mélangé un peu. Tu sais, mais Mario Sunshine, je l'ai aimé au bout, en plus. J'ai adoré, moi. Mais, tu sais, rendu là, j'étais comme... Je décrochais, là, vraiment, là. Puis tout le temps, le pointage de TV pour élever ta tête comme à Zelda, puis ces affaires-là... Ça m'a déçu, puis je m'attendais à la grosse coche. Là. T'sais, là, c'est con à dire, là, mais je m'attendais à du gros... Tu t'attendais à une révolution. Je m'attendais à une révolution, comme elle s'appelait de même au début, c'est ça. Puis le hype, j'ai été une grosse victime du hype dans ma vie, je pense, là, pour certaines affaires, mais ça va venir à une de mes surprises de bon côté tantôt. Mais cool. Parlant des surprises, messieurs, et étant moi-même le propriétaire slash keeper slash protecteur du temps, ah, OK. Nous allons devoir faire un des blitz. Top 3. À partir de maintenant, non, on va y aller dans les déceptions toujours. Mais là, on fera pas une explication. On passe pas par Trois-Rivières, mettons, pour expliquer notre okay. Bon, ben, je vais dire, ça deux m'a fait chier bits. Parce que puis on les pitch les deux, bing bang, merci bonsoir, okay. Puis on passe aux surprises. Fait que le film Watchers, basé sur le livre de Dean Koontz avec Sean Astin quand il était kid, fucking déception. Le livre est tellement fucking meilleur, puis le film est fucking un poche. Livre que t'as lu quand t'avais 5 ans, sûrement. Ça, j'avais 12 ans, 12, à peu près, okay. Puis j'avais regardé le film. Ça faisait longtemps que le film était déjà sorti. Enfin, avant-gardiste que tu étais. Ouais, c'est ça. Puis élitiste, en passant. Élitiste. Le TurboGrafx-16, toujours mieux que tout Nintendo, anyways. Mais cela dit, ça, c'était une de mes frustrations. Le film Watchers, basé sur le livre de Dean Koontz, Watchers. Fuck Sean Astin. Retourne dans Lucas Callis. Lord of the Rings. C'est avant qu'un. Puis je fais mon dernier. OK, mon dernier, ben c'est pas compliqué. Chaque MMO que j'essaye en espérant que ça va être mieux que World of Warcraft. D'accord. Donne du temps à Destiny. On l'a dit. Callis. Excusez. Milter, tes deux déceptions en rapport. Moi, mes déceptions, c'est les critiques de jeux vidéo. Il me semble qu'au début, il y avait une certaine intégrité quand c'était toute niche et début. Genre. Milter, il veut les dessins. Est parti avec Milter, Gertzman. Il veut les dessins de GamePro avec les visages, tout excité. Là, ben, 5.0. Côte à côte, man. Ils font pas les visages. Là. Non, ils font « Should you play this game? Yes or no? » Ouais, ben je m'excuse, mais graphics avec le dude là, qui capote là, avec le 5.0 dans GameSpot. Ben moi, je m'attends, en tout cas, je trouve qu'il y a une époque, là, un moment donné, là, t'as commencé à faire comme, il me semble, tout est 9 sur 10, là, tu sais, partout, puis là, les affaires de financement de sites, puis de critiques payées, puis nanana, a commencé à sortir, puis c'est là que t'as fait comme, OK, c'est une industrie autant de marde que n'importe quelle autre. le monde, ils sont juste là-dedans pour avoir des freebies, puis des goodies, puis des jeux sur les déprimes. N'importe quoi gratuit, là. Tu sais, c'est comme les podcasts, là, qui font des critiques juste pour avoir des cadeaux gratuits. Ça m'écœure, t'es pas intègre, t'es vendu. Fuck you. Puis, certains peuvent t'écouter sur RZO. Tellement pas, mais... RZO, il y a juste l'intégrité genre, là-dessus, Eric. Gratis tes paroles. On va les plugger n'importe comment. Genre, on les aime tous. Good or bad, si on plug RZO le plus qu'on peut. Puis l'autre affaire, c'est con à dire, mais je m'ennuie du temps où qu'Internet était Internet. Tu sais, puis quand je dis pour Internet était Internet... Tu t'ennuies de Netscape Navigator. Je m'ennuie du temps que c'était pour les hackers, cyberpunk... T'ennuies des BBS? Je m'ennuie du... Oui. Non, mais je m'ennuie du temps où que t'avais pas à te préoccuper des petites matantes, puis que t'avais pas à te préoccuper de... C'est con à dire, mais de payer tes affaires ou d'être regional pour regarder un tel vidéo ou quelque chose. Juste aller sur Internet, être un des rares t'en qui allait. Toi, là. Mais ben avant que ça soit trop corporatif, tu peux même plus regarder une vidéo promo parce qu'ils disent non, c'est pour les Américains seulement. Plein de vidéos porno. VPN pas Unlimited. Porno, promo. Aller sur... Ah, c'est quoi? C'est Stack quelque chose. VPN Unlimited, 9,99 pour... il est en spécial pour 3 ans de VPN. Pour être region free, là, dans le fond. Hulu ou peu importe. Je dis pas ça de même, mais... WWE app, là, tu sais, toutes c'est les ça. Affaires qui sont pas encore ici, là. Déception. Il y a moyen, deuxième mais... déception. Ben, c'était ça. La corporisation de l'Internet... Que c'est plus quelque chose de... T'avais l'impression d'être un gros hacker sale, tu sais, à juste aller dessus, là. T'es dans le fond, à Star, c'est tout est legit. Il te faut des comptes legit avec ta carte de crédit partout. Il y a pas moyen de bypasser leur maudit firewall. Puis, tu sais, c'est... Tu comprends ce que je veux dire, là, avant? Il y a comme le avant puis l'après d'Internet. Avant, la légitimité de tout ça, puis... Quand c'est rendu quand même les sites de torrent commencent à disparaître parce qu'ils réussissent à se faire ramasser dans leurs paradis fiscaux d'affaires cachées de tout, c'est parce que c'est rendu grave, puis dans pas long, mais ça va être juste ça qui va fonctionner. Écoute, moi mes deux déceptions, c'est par rapport au gaming. Première déception, j'étais un tripeur de Chrono Trigger à côté. J'ai fait Chrono Cross à côté. Puis... Je finis Chrono Cross, puis là, je me renseigne. C'était le temps que l'émulateur, ça a jamais super bien marché, puis tu le quittes, puis je pars sur une croisade. Parce que là, j'entends dire qu'au Super Famicom, il était sorti un jeu qui s'appelait Radical Dreamers, qui était la suite de Chrono Trigger, mais le prequel de Chrono Cross. Puis là, je fais, asti, je veux jouer à Radical Dreamers. C'est malade. Faut jouer à Radical Dreamers. Fouille sur le net, trouve pas. Puis c'est dans le temps justement que c'était un peu plus hardcore. Tu pouvais internet, trouver des tu affaires. Tu pouvais trouver des affaires, mais il fallait que tu fouilles, puis c'était affaires. Long. Puis... Fait que tu sais, t'installais Download Accelerator qui te permettait de downloader en segments, puis des choses comme ça. Puis j'enquête, puis je fouille, puis t'inquiète. Et je trouve le putain de ROM de Radical Dreamers. Je pense que j'avais un Pentium 166 MMX avec genre. 64 MB de RAM puis un 600 MB de hard drive ou quelque chose dans le même. Tu sais, c'est une crise de chiottes où j'avais mon Pentium 233. Moins fort qu'un cellulaire aujourd'hui. Mais tu sais, puis là, je fouillais puis toute l'équipe, j'essayais de rouler des émulateurs. En puis passant, ça skippait, je me pas Radical Dreamers live, là, je savais même pas que ça existait. Radical Dreamers. Sur son cellulaire. Je viens sûrement de refroidir Eric, malgré que lui, il est willing de l'essayer. Je le download. Parce que c'est un ROM, puis il n'a jamais été traduit, puis tu le quittes. En passant, je le prends sur Dope ROM. C'est un fan translation que j'avais réussi à pogner, puis tu le quittes. Et j'installe ça, je joue, et j'apprends que Radical Dreamers est un text-based RPG comme Zork. Arc. T'es-tu sérieux? Ouais, monsieur. Ah, ok, cancel, download. Et voilà. Donc. Fait comme temporel incorporé. Non. Text-based, pas ça. Text-based, t'as aucune image. T'as... Ben, en fait, t'as des images. Ah, oh, ok, de même, moi. Tu lis, pis là, c'est mettons open telle affaire. Ouf, pis... ouais. Ben, Chris, je l'ai fait, Radical Dreamer. C'est comme jouer à Donjon Dragon. Je l'ai fait, ben, j'étais tellement passionné de ça, pis tu la quittes. Mais j'étais tellement déçu de voir, c'est comme. Attends. Il te livre Chrono Trigger. Pis la suite de Chrono Trigger, c'est un text-based game. What the fucking fuck? Ben là, de un, prends un peu de recul. On parle du Japon. On parle des date simulators. Ben, on parle de ce monde wacko-là. Exactement. Tu sais, là, le, on se fie toujours sur le Japon. Comme mon prochain fuck est lié au Japon aussi. C'est que je suis un tripper d'Earthbound fini. Là, vous allez dire, asti, tu te répètes encore. On n'a jamais eu Mother 3 aux États-Unis qui était sorti pour le Game Boy Advance uniquement au Japon. Puis il a fallu justement que j'attende, puis ma déception, c'est pas envers le jeu, mais il y a eu un translation project, il y a des gens qui ont traduit le ROM de Mother 3. J'ai pu jouer à Mother 3, je pense, c'est quoi, 8 ans après qu'il soit sorti, ou 6 ans après, ou de quoi de même. Il y a quelqu'un là que je l'aurais devant moi, là, ce type, je le frencherais, man. Il a traduit avec un team de monde toutes les affaires dans Earthbound, Mother 3, puis j'ai enfin pu le jouer à un moment donné. Fait que c'est une de mes déceptions d'avoir attendu aussi longtemps, mais en même temps, c'est une surprise parce que j'ai adoré le jeu. Je dis ça de même, mais le Ness, le personnage d'Earthbound, il est dans Super Smash. Puis je l'ai débloqué hier. Mais il était dans les autres Super Smash avant, mais vu que Super Smash au 3DS est totalement différent que Brawl, c'est correct. Totalement surprise, différent. Mesdames et messieurs. Oui. Qui ouvre le bal en rafale encore? Non, là, on va prendre le temps. On prend un peu plus de temps. On prend un peu le temps, là. Mais on va prendre le temps, mais faire ça vite. OK, ben je vais commencer, moi, juste parce que je vais y aller avec ma... Parce que ça a un peu rapport avec ma déception que j'ai dit. Ma déception qui était... Ma dernière déception qui était toutes les MMO qui sont pas World of Warcraft. Ben, une de mes surprises, pour moi, reste World of Warcraft. Je jouais à Warcraft, j'ai joué à Warcraft 2, j'ai joué à Warcraft 3. Je suis un fan RTS. Dans le temps de Warcraft 3, dans cette période de temps-là, les MMO, j'avais dabblé dedans un petit peu. J'avais joué à des affaires weird, là, comme Neverwinter sur CompuServe. Qui était très bon, pareil, je trouve. Neverwinter, il était poche. Non, pas Neverwinter, j'ai l'autre de Forgotten Realms. Il était free to play aussi, Neverwinter. Hein? Neverwinter était free to play aussi. Neverwinter, c'était. Non, il était pas free to play. Il fallait que tu aies ta subscription de CompuServe dans le temps. Ah, ok, je pensais que tu parlais de l'autre Neverwinter qu'ils ont fait. Non, je parle vraiment de Neverwinter. C'était un des premiers. Dans le temps d'Ultima Online, là. Avant ça, même. Ultima Online, j'avais joué, je détestais. Je comprenais pas. EverQuest avait joué puis j'étais comme what the fuck. J'avais même essayé de jouer au PlayStation 2 quand j'avais mon network adapter. Ouais, je comprenais pas. Ben je comprenais le jeu, mais j'étais comme mais anyways, Warcraft, je pogne le Alpha, je pense que j'avais été accepté dans l'Alpha. Je commence à jouer au Alpha. Mind fucking blown. On dirait que tous les sens des MMO ils ont fait du sens pour moi en dedans de 3 heures. Blizzard, ils ont vraiment figuré une manière de me faire, des gars comme moi, comprendre c'est quoi le but du MMO. J'ai encore des frissons quand je suis dessus le World Tree dans Tal Tretto. Je me souviens mon Night Elf quand je l'ai parti, puis j'étais comme, Chris, c'est beau. Sauf, je me souviens aussi de m'être logué off pour comme un jour, parce que je devais travailler. Je me suis logué, puis je suis comme level 2, puis là, t'as un de mes chums, c'est comme, il arrive, puis... Il est sur un tigre, puis il y a des étoiles qui brillent au-dessus de lui, puis il est comme... Là, je suis comme, tabarnak! Puis là, il me dit dans le chat, j'ai pas dormi, ça fait 3 jours. T'es rendu quel level, là, c'ti? Écoute, je suis rendu tellement haut en level que ta simple existence ne 40, pourrait pas comprendre. T'es ça, comme... 40, là. Non, mais un moment donné, c'est intense, pas à peu près, mon gars, là. Mais pour moi, c'était une élégante surprise. Je pensais jamais... jouer à un MMO, mais ce jeu-là m'a fait tomber en amour avec les MMO. Ouais. Ce jeu-là a changé MMO. En plus, ça célèbre sa 10e anniversaire dans le mois de novembre qui s'en vient. On a le lancement du jeu, je suis super excité. Il y a le patch qui s'en vient, mais il y a le pre-patch aussi qui s'en vient mardi. Fait que à chaque fois qu'il y a une expansion, tu as toujours le pre-patch avant l'expansion qui change toutes les mécaniques du jeu un peu. Ça s'en vient mardi. Je suis super excité. Après 10 ans de temps, je joue encore à ce fucking jeu-là. Puis à chaque fois qu'il y a un bon MMO, j'essaye. Je veux que ça soit mieux. Puis c'est ça. Puis on n'a pas trop parlé de Destiny tantôt, là, mais une des raisons pourquoi que j'ai pas continué avec Destiny, c'est à cause que quand je t'ai rendu à la fin de Destiny puis au grind, tu deviens un moment où t'es comme, ok, j'ai adoré Destiny, j'adore qu'est-ce que ça fait, j'aime le jeu. J'embarque-tu à fond. Mais est-ce que j'ai le temps pour ça, un autre comme ça? Puis c'est là, après ça, je suis comme, joue-tu à ça? Ou j'ai déjà wow, tout ça, je suis comme, oublie ça. Mais Destiny, j'ai aimé. Tu sais, je peux pas dire que Destiny est pas bon, j'ai vraiment aimé. Mais anyway, ça c'est une de mes surprises. MMO, 10 ans plus tard, ma femme joue avec moi, j'ai des amis de partout sa planète à cause de ce petit jeu-là. Ah, ça c'est fucké, ça. J'adore ça. Ça a été World of Warcraft, ça a été le jeu que plusieurs personnes attendaient depuis des années et ça va rester un des jeux qui a marqué la vie de plusieurs personnes. Ce jeu-là, même quand Blizzard va décider de le fermer, si ça l'arrive, il va ça avoir des serveurs pas, qui vont rouler. Il va vivre pour toujours. C'est moi, ça. Je pense que ça arrivera pas. Tu parlais de jeux vidéo. Surprise, pour toi. Surprise que... pour moi. Tu vas l'avoir, André. Mass Effect, man. C'était une surprise. Ouais, moi tout, c'est une surprise un peu. Moi, je m'attends. Premièrement, Mass Effect, ça a été un des jeux que j'ai été le plus hypé possible au monde. Moi, le premier Mass Effect, je sais pas si tu t'en souviens, on travaillait ensemble dans ce temps-là, puis j'étais comme, Eric, Mass Effect arrive. Je capotais, OK? Mass Effect, pour moi, c'était... Le hype était là, puis je l'attendais, le jeu, puis je m'en allais le faire, puis je capotais, puis... Puis finalement, j'ai commencé à jouer à Mass Effect, puis... Wow, OK, à ta peu. C'est encore plus que qu'est-ce que je m'attendais. Ça arrête là. Mass Effect 2 sort. Je prends off pendant 2 jours. Je suis comme Mass Effect 2, OK, le 1. J'en parle, j'ai des... C'est un jeu-là... Ta barbe remonte. Hein. Ma barbe remonte, c'est incroyable. T'as une érection faciale. Mais tu sais, je parle de Mass Effect, puis... Le 2, ils ont augmenté à cas, j'ai pris off. Je me rappelle, dans le temps, je jouais, puis t'as ma coloc. Ce fait là, j'ai un Mass Effect. Puis c'est comme, dérange-moi pas, là, faut que je joue. Ouais, mais t'as pas de pantalon. Elle s'assied à côté de moi, puis elle fait comme, hey, c'est vraiment bien fait, hein. Puis elle était pas gamer pour 5 cents, tu sais. Puis là, je fais comme, ouais, c'est vraiment bien fait. Puis en plus, c'est super bon. Elle dit, hey, le dialogue, puis tout. Puis là, maintenant, elle fait comme, OK. Puis là, elle s'en va. Puis elle revient le lendemain, puis c'est comme, t'es-tu couché? Non. Puis j'arrête pas de suite, puis je gamais, puis. Mass Effect, pour moi, puis c'est con à dire, puis j'ai lu ça dans un article à un moment donné, puis c'est vrai pour moi, Mass Effect, c'est le Star Wars d'une nouvelle génération. Il y a des gens qui n'ont pas connu Star Wars, comme que moi, j'ai pu le connaître quand j'étais plus jeune, puis je le connais toujours aujourd'hui, mais Mass Effect a été un Star... Hey, Chris, l'ampleur de l'histoire, l'ampleur de la galaxie que ça a créée, les choix en plus, tu sais, ils ont fait un appel à l'émotion. Star Wars, c'est pas moi qui ai fait les choix de sauver telle race, de coucher avec telle personne, puis telle affaire. Puis ça, pour moi, là, ça a été une des plus grandes surprises du gaming parce que, autant que j'étais en même place que toi, Eric, World of Warcraft. Autant que j'étais avec toi, Eric, World of Warcraft a été une super de grosse révélation pour un jeu pour. Comment les gens vont pouvoir jouer ensemble pour des années à venir. Ça a influencé, c'est le premier MMO qui a influencé le chemin. Ben, je pense que, selon moi, Mass Effect a été un des jeux qui a influencé comment raconter une histoire puis jouer tout seul chez vous. Parce qu'ils ont trouvé un moyen de te prendre puis de te pitcher dans une histoire puis c'est comme les choix que tu fais. Puis vous avez beau chialer sur la fin de Mass Effect 3, là. Come on, à un moment donné, là, il faut arrêter. Là. C'était tellement incroyable, ce jeu-là. Que selon moi, ça a été un game changer, ça a été une surprise pour moi, parce que je m'attendais jamais à ça. À chaque fois que j'étais hypé pour ces jeux-là, puis à chaque fois que j'étais hypé, ces jeux-là m'ont surpris encore. Vous avez pas fait Mass Effect aujourd'hui. On est présentement le 10 octobre 2014, il est 9h35. T'as pas joué à Mass Effect, c'est un incontournable qui est disponible sur PS3, Xbox 360 et PC présentement. En trilogie en plus. En trilogie, vous pouvez vous trouver la trilogie. Là, je pense qu'il y en a à 29 en use pour les consoles. Je pense qu'il y a 9 à 40 pièces. Ouais, ouais, c'est 39,95 ou 99, excusez, 95, c'est un autre vie qui parle. Mais 39,99 pour vous procurer une trilogie d'un jeu que vous allez avoir au-dessus d'une centaine, même, hey, c'est quasiment 100 heures de gameplay pour les par 3... jeu. C'est 300 heures facile, moi, que je pourrais dire. Puis c'est un des premiers jeux aussi, puis il va falloir que j'arrête à mener parce que je vais vous laisser parler, mais c'est un des premiers jeux aussi que... La page couverture du troisième jeu, on pouvait la mettre de côté, puis on pouvait être une femme ou un homme, tout dépendant. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont rassociées à Mass Effect parce que c'était la science-fiction. Le personnage pouvait être une femme. C'est le premier jeu aussi où le personnage pouvait avoir des relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe. Fable. Puis, Ouais, Fable, mais... C'était pas le premier. Dragon c'était pas Age, le premier, c'est mais... c'était sorti avant, comment ça fait? Mais, still, Fable. C'était limité quand même dans le Fable Dragon Fable était là. Mais Mass Effect a vraiment épanoui ce côté-là. Puis c'est une belle porte d'entrée dans le gaming pour des gens qui ont jamais joué. Puis c'est une belle porte d'entrée dans l'immersion d'une histoire pour des gens qui jouent beaucoup puis qui ont peut-être peur de des shooters ou des choses comme ça. Fait que là, je ferme ma gueule parce que Mass Effect, c'est malade. Va jouer tout de suite. Mais j'ai tellement fait d'orgies homosexuelles dans Fable pour rire, là. C'était incroyable. Mais en tout cas, c'était pas ça ma surprise. Pour rire? Qu'est-ce qu'il y a de drôle d'une orgie homosexuelle? Ben, parce que mon bonhomme, il était marié dans plein de villes. Mais quand j'allais dans une certaine ville, je m'amusais dans ma tête, j'avais fait une histoire, puis c'était comme sa ville d'orgie homosexuelle. Fait qu'à toute fois qu'il allait là, il se bagnait comme trois gars dans une shed. Puis, en tout cas, c'était dans ma tête que ça se passait, ce scénario-là. En fait, c'est dans ta console que ça se passait. Dans ma console, ouais. Mais l'histoire, c'était comme pas écrit dans le jeu. Fait que surprise pour Milter à part de ses expériences homosexuelles dans Fable. Sacrément. Mais des fois, c'était mix aussi, ça dépendait. Mais en tout cas, c'était une ville assez... le Sin City de Fable. C'est le stream de Milter qui joue à Fable. J'avais pas encore Twitch. Ah, mais là, tu l'as, Twitch. Mais vous me donnez quasiment le goût d'un channel, des idées de channel. On va l'hoster sur le channel Twitch collectif. C'est bon, je vais share Milter, ça. Une surprise pour toi. Une surprise qui a changé ma vie étant très jeune sur comment regarder du divertissement et de pas juger le divertissement. C'est l'existence et l'apparition de la WWF dans ma vie. C'était juste beaucoup trop pour moi, overwhelming. Pendant longtemps, je pensais que c'était vrai. Pendant longtemps, je trouvais ça incroyable, des oversized personnes huilées en speedo qui se lèvent au-dessus de leur tête. Exactement comme dans Fable. Ça explique beaucoup. C'est tout relié. C'est un segway de plus. Mais c'était une façon de me faire divertir que j'ai développé puis qu'avec le temps, j'ai gardé puis j'ai continué d'apprécier dans un sens que j'ai pas passé comme plusieurs. Oui, j'aime du UFC aussi de temps en temps puis des affaires de même. Mais j'ai pas comme abandonné l'autre. Il y a eu une époque, il y a tout le temps une époque dans notre vie que t'es comme en conflit de je continue de te dire que je trouve ça la lutte ou je le dis juste plus puis je l'écoute en cachette ou de quoi. Mais Colin, que c'est un bon show, puis toutes les fois que je suis allé au Centre Bell, au Forum dans le temps ou de quoi de même pour voir un show de lutte avec mon père, avec des amis qui ont aucune maudite idée c'est qui est dans le ring ou pourquoi qui est là, mais qu'après ils me regardent puis man, c'est écœurant, j'ai reçu la serviette mouillée de Val Venus dans la face, puis je pense qu'ils visaient leur taux à côté de moi, mais c'est moi qui l'ai eu, puis qui capote. Puis ça, c'est une expérience vécue. C'est magique, genre là, c'est un entertainment incroyable, sous-estimé, souvent associé à des BS ou des rednecks. Mais même si c'est vrai, c'est incroyablement le fun et divertissant. Tu mets ton cerveau à off, tu le débranches, tu tiens ton doigt sur le piton reset en plus pendant 5 minutes avant d'écouter ça. Mais Colin, que c'est le fun, puis ça m'a forgé une jeunesse de divertissement avec des voisins. On se ralliait tout ensemble, les petits voisins de la rue. Puis, hey, vite, c'est les pourris du samedi qui luttent. On appelait ça de même parce que c'était tout le temps un gros lutteur contre un gars que personne connaît qui se faisait planter. Puis, c'est le over-the-top entertainment que j'aime encore aujourd'hui vient probablement tout de la lutte qui était plus gros que nature pour rien. Puis, c'est ridicule. Puis je trouve ça triste de voir que plein de vedettes de mon enfance ont des troubles, soit de stéroïdes, de mental ou de drogue aujourd'hui, ou de suicide, parce qu'il paraît que c'est un des sports, si on peut dire, qui a le plus de suicides dedans, puis des affaires. Fait que, en tout cas, la WWF, là, belle surprise dans ma vie, un bon moment. Eric? On est toujours sur les surprises. On est toujours sur les surprises. Une surprise que je vais juste lancer de même, parce que ça faisait une couple de fois, une fois encore, je mets du contexte, il n'y avait pas de bons films fantastiques. En 2000, il y a eu Dungeons and Dragons qui avait Willow. Sorti. Sorry, non. Okay. C'est bon, là, Willow, là, mais je veux juste dire, en tout cas, ma surprise... C'était en suivant un petit peu, c'était un des premiers films qui avait une bonne campagne médiatique sur Internet, tu sais, que je trouvais bien. Mais le film des Seigneurs des Anneaux, j'étais bien surpris du résultat final de ça. C'était un des premiers films que je trouve qui ont capturé un livre. Le résultat était là. Résultat, il était là. Quand c'est rendu que Milter est d'accord avec moi sur un film fantastique médiéval, tu sais qu'il y a de quoi qui se passe. Ouais. Puis ouais, ça, je veux pas aller trop creux là-dedans, là, mais Peter Jackson m'avait vraiment surpris avec Les Seigneurs des Anneaux. Puis encore ce jour, j'ai super hâte à la... Même The Hobbit, que je pensais qu'il était pour être juste chiant parce qu'ils l'ont mis en trois films, mais j'ai juste compris après le premier film que c'est juste un dude qui adore Middle Earth, qui a juste décidé de faire trois autres films de Middle Earth. Puis ça marche, puis c'est le fun, puis c'est super écœurant. Mais ouais, ça c'était une surprise pour moi. Je savais que l'histoire était bonne, je savais pas comment ce qu'il était pour traduire ça. Surtout le faire sans chanson. What the fuck? Il y a plein de chansons dans Le Seigneur des Anneaux. Ben, Anya. We're taking the hobbits to Isengard. Petite anecdote, ben vite reliée à ta surprise, là. Avec mon ancien coloc et un de mes meilleurs amis, celui qui a composé notre chanson thème, même du Geek Collectif, shout out à Coco Bundy. C'est son nom d'Xbox en même temps, vous pouvez l'aider. On s'est tapé comme les trois versions longues de Lord of the Rings sur le moche, back à back, en souvenir de coloc. Fait que shout out à Steve pour ça, j'ai plus jamais réécouté aucun Lord of the Rings depuis ce temps-là. Ils ont dû être très bons. Ils étaient très bons, mais 12 heures, c'est long en tabarouette quand t'écoutes trois films de 4 heures, pas à jeun. Fait que t'es en train. C'était juste une anecdote de même. Fait que The Two Towers, c'était le meilleur, parce que c'était dans le pic. Genre, mais disons que j'ai plus jamais réécouté de ma vie Lord of the Rings. Après ça, j'ai eu ma dose solide. Là. André, surprise. Ou moi, c'était-tu à toi ou c'était à Milter? Ça peut être moi ou ça peut être Milter. Un... Vas-y, ouais. Milter. Une surprise, mais encore, je peux pas dire surprise, mais quelque chose qui a forgé. Une partie de ma vie, je dirais, c'est l'existence du film Dawn of the Dead. Puis la première fois que je l'ai vu, puis que j'étais avec plein d'amis qui faisaient « fuck off, man », parce que j'avais des amis qui trippent plus soit Star Wars ou soit des films d'action ou quelque chose de même, puis on avait loué ça nowhere de même, puis je le regardais et ça a juste changé ma vie. J'ai regardé ce film 5 fois le lendemain. J'ai pas l'habitude de regarder les mêmes films à répétition. Tu parles-tu juste pour... Est-ce que tu parles de la version de Zack Snyder ou... La première fois, c'est le deuxième que j'ai vu. Fait que c'est de Zack Snyder, ouais. Puis par après, je suis allé tout voir les autres. Puis en dedans d'un mois, je te dirais, j'avais au-dessus de 115 films de zombies déjà. OK. Fait que t'as aimé, c'est parce que ça, Zack Snyder, j'ai trouvé qu'il était très bon. Ben moi, j'ai adoré, puis qu'est-ce que j'ai adoré, puis ça m'a parti sur les zombies. Il y a plein de monde qui catch pas que c'est pas la créature qui est passionnante dans ce genre de films-là, en général. Ce qui fait qu'il y a bien des films qui sont de la merde, parce qu'ils se concentrent juste sur « faut qu'on les tue dans la tête, puis ça finit là ». Qu'est-ce qui est le fun, c'est l'interaction sociale entre les personnes et les... Ouais. C'est un gros exercice sociologique, chaque film de zombies. Avec un petit contexte, les bons films de zombies, avec un contexte, puis ces affaires-là, un peu comme Walking Dead, qu'il y a du monde qui dit « Ah, c'est plate, il n'y a pas d'action » ou quelque chose de même. L'action n'est pas dans les coups de gun puis les coups de katana dans la face des zombies qui arrivent 10 minutes par épisode ou quelque chose de même. L'action est dans la sociologie puis l'interaction entre les gens puis les affaires de « T'es qui toi pour me dire quoi faire? Moi, je suis le gars avec le gun puis c'est juste ça que t'as besoin de savoir. » Ou moi, j'étais un gars qui, justement, dans Dawn of the Dead, j'étais un gars qui travaille chez Best Buy, puis pourtant, c'est moi qui ai toutes les meilleures idées puis qui vous a sauvé la vie 4 fois, mais toi, t'es le gars de sécurité avec le gun, puis t'agis comme un fucking douche avec un power trip, puis techniquement, ton rôle dans la vie serait supposé être totalement le contraire. Ouais. Puis en tout cas, c'est le genre d'affaire qui m'a fait ouvrir les yeux sur un autre genre de cinéma. Puis c'est là que j'ai décidé, parce qu'avant, j'achetais beaucoup de films pour rien, si je peux dire. J'achetais n'importe quoi. Puis je commençais à me dire, il faudrait que je me calme, là, tu sais, si on peut dire. Là, je peux pas juste tout acheter. Puis j'ai commencé à me concentrer, à dire, OK, c'est des films de zombies que j'aime, c'est des films d'horreur. Puis comme ça m'a parti de là, là, puis le reste, c'est de l'histoire ancienne. Moi, tu vois, c'est une surprise, mais en même temps qui est une déception, puis... Je regrette pas, puis je suis même content d'avoir vécu ça, par exemple, parce que il y a un certain soir, j'étais arrivé à la maison, puis je venais de travailler. puis je me suis assis. Ben en fait, je suis rentré, j'ai commencé à me préparer à souper, tout le kit, puis je me suis assis devant la TV avec mon souper préparé, puis tout le kit. Puis c'était une dure journée, puis c'était à peu près en 2005-2006. Oui. J'ai regardé G4. Okay. Puis je suis arrivé, puis il était 7h, puis il y a une émission qui a commencé, puis ça s'appelait Attack of the Show. Animé par il y a plein de monde. Il y avait Kevin Rose qui était là. Il y avait Leo Laporte. Non, Leo Laporte n'était pas là. Mais c'est vrai, parce que c'était le nouveau Screensavers qui avait évolué. Mais tu sais, toi, Eric, t'as vécu l'année des Screensavers aussi. Mais Kevin Pereira, Kevin Rose, toute la gang. Puis écoutez, G4 Tech TV, c'était l'émission. C'était un poste où tout était possible. Des émissions de jeux vidéo comme X-Play, des émissions de variété. Attack of the Show est une émission qu'il y a eu aux États-Unis, qui a débuté en 2005, qui a fini, je pense, en 2013. Il n'y a pas si longtemps que ça. Juste valider, donnez-moi un instant. Ça a débuté le 23 janvier 2013, puis j'ai vu la dernière émission, puis c'est rare, mais c'est con à dire, mais j'en ai braillé de cette émission-là, parce que la dernière émission de Kevin Pereira, là, ils t'ont fait un sketch hommage que je m'en rappelle encore, puis c'est venu me chercher, parce que Attack of the Show, c'était tous les soirs de semaine, à 7h jusqu'à 8h. C'est comme les nouvelles ou le... C'était le... mieux que les nouvelles, parce que... Ouais, ben, des nouvelles qui intéressaient tous nos sujets. Les premières, Attack of the Show aussi, c'était pas n'importe quoi. C'est... Ben, c'est parce qu'ils savaient pas quoi faire, il y avait pas leur identité. Il y avait la blonde qui était là, je m'en rappelle, puis... Est-ce qu'elle se faisait ramasser tout le temps? Ben, je comprenais pas. Je savais pas s'il y avait un inside là-dedans ou quoi, mais je me sentais mal. Kevin Pereira l'a expliqué ça, c'est que dans le fond, il y avait deux émissions G4. Il y avait les Screensavers, puis il y avait l'autre émission que je me souviens pas c'est quoi. Puis, à un moment donné, les boss, ils ont fait « Ok, on coupe les deux, vous devenez une émission. » Fait que là, t'avais gagné les Screensavers qui étaient comme... Ben, nous autres, on est la majorité du monde, on va garder une identité. Puis là, t'avais l'autre gang qui était comme, Chris, je ferais pas un show comme les Screensavers, où c'était super informatif. Puis ça a sorti Attack of the Show. Attack of the Show qui était ton show, ton information. Ça a été une des premières émissions que j'ai vues qui avait un Twitter wall. Ouais. Où tu pouvais leur écrire des affaires, ça apparaissait en temps réel. Ça commençait, puis il y avait Around the Net. C'était les top 5 vidéos virales les plus consultées de la journée qui te faisaient jouer ça. T'avais les Break Moments in The Evolution, où ce qui te montrait juste comme des vidéos. DVD Tuesdays avec Chris Gore, qui est un de mes film critiques que je préfère au monde, que j'ai eu la chance de croiser. Très honnête. Le gars, il est honnête, il disait qu'est-ce qu'il avait à dire. T'as eu des affaires du genre, oh mon Dieu, tu sais. Faut rattraper le cochon, tu sais, t'avais un fermier qui sortait en arrière, puis il y a un cochon graissé qui arrivait, puis fallait qu'il le rattrape. Tout pouvait arriver là-dedans. T'avais The Feed, dans le fond, qui était toutes les nouvelles de la journée. Mais tu sais, c'était des nouvelles. Il y avait toujours une jolie fille qui faisait le feed aussi. Allison Aislip qui avait commencé là. T'avais Lila Kaylee qui est allée après ça pour assurer Kick and Dance. C'était Lila Kaylee, ça. Mais Kirsten Holt aussi, puis toute la kit. Mais tu sais, c'était incroyable. T'avais deux animateurs, Kevin Pereira et Olivia Munn, qui a fait la meilleure run, selon moi, d'Attack of the Show. Mais c'était vraiment comme. En passant, Olivia Munn, la minute que je l'ai vue avec Kevin Pereira, j'ai su que c'était une fucking star, cette femme-là. C'est clair. Écoute. Moi, j'aime mieux l'autre petite blonde là, que j'ai oubliée. Allison Aislip. Non. No way, non. Olivia Munn, l'autre c'était là, qui animait shit. Pas là, qui était comme on the side un peu. C'est ça, c'était Allison Aislip. Non, elle a un. Ouais, c'était la fille qui était dans Playboy. Elle était un peu niaiseuse là. Ouais. Elle fait du naked yoga sur Internet. Mais tu vois, regarde, dans le fond, c'est Attack of the Show, c'était tout ce qui me passionnait. C'était les jeux vidéo, les films, la musique, les téléséries, tout. Internet. C'est un des premiers shows à avoir touché à Internet. Puis il te pitchait ça pendant une heure de temps à chaque soir à la TV. Puis ça arrêtait en 2013, puis j'ai fait comme « Asti, man, c'est la fin ». Puis même encore aujourd'hui, je fouille sur le net pour essayer de trouver des rips de TV, d'Attack of the Show, des affaires de même, parce que ça a été une culture selon moi. Puis là, si vous écoutez ça, allez écouter « Pointless » de Kevin Pereira, dans le fond, qui est un podcast qui est incroyable, mais il parle souvent de référence à Attack of the Show, puis honnêtement, Attack of the Show n'a jamais eu de précédent ou d'affaires qui l'accotaient, selon moi, en tant que show de variété. C'est vrai. J'approuve. Je suis content d'avoir pu écouter en direct Attack of the Show puis écœurer le monde autour de moi puis de faire comme Chris, j'écoute ça puis le monde, Chris, je comprends pas. Manque tout ça. Tu comprends pas ça, c'était mais la web TV, culture. Hein, tu le dis pas, c'était mais c'était unscripted, live TV à chaque jour. Et c'est pour ça que je disais les nouvelles un peu. Tu sais, c'était live, on y voit qu'est-ce qu'on a puis. C'est incroyable, puis ça, tu vois, ça a été une de mes surprises d'Attack of the Show, c'est que tu t'attends pas, honnêtement, dans une période de ta vie où ça va vraiment pas bien, puis tu manges un spaghetti sauce Campbell, à tomber sur une pelle comme ça à TV, puis d'écouter ça. Ça m'a suivi longtemps, moi, avec... Même à ce jour, honnêtement, j'ai encore le thème dans la tête, puis je me souviens des gags qu'ils ont fait, puis j'en parle au monde, puis ça me fait chier. Hashtag OTS, tout le temps. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, puis si vous avez écouté Attack of the Show, envoyez-moi des quotes, je veux qu'on vive ce moment-là ensemble. Mais c'était une de mes surprises. Là, malheureusement, on a dit deux surprises chacun. On va falloir les dire. On fait une rafale, les autres. Faut faire une rafale pour la fin parce qu'on va déborder. Puis... Ben moi, ça va être facile. J'en ai juste une autre parce que toutes les autres choses, j'étais pas vraiment surpris. Je savais comme. En tout cas, j'ai surprise ou tu sais. J'ai eu de la misère avec bon, moi, c'est plus des bons moments. Bons moments. Okay. Fait que moi, dernièrement, comme je te dis, je veux juste en faire une. J'ai été. J'ai toujours su. J'ai fait une couple de. Je vais te dire tout de suite, je vais parler des ligues de fantasy dans des. Des pools. Non, c'est ça. J'ai fait des pools. J'ai déjà fait des pools avant, puis ça, c'était toujours le fun. Mais là, dernièrement, j'ai été introduit ou présenté dans le monde des fantasy leagues de la football. En passant à la NFL, ils ont compris en crise comment que ça marche, les fantasy leagues. Si tu peux pas avoir plus geek. Sport que ça, là. Comme je m'excuse. Ah, là, c'est vrai. J'ai Jeff Shula, là, qui est un de mes chums, là, puis un humoriste que je trouve quand même assez drôle. Il a toujours dit les ligues de fantasy. Les ligues fantasy, c'est pas mal comme des donjons et dragons, mais pour des gars qui ont des blondes. Ben, il y a une télésérie en plus américaine qui s'appelle The League, qui est pissante. Ben, gars, là. Avec John Lajoie. C'est oui. Ça. Puis ça, c'était un gars de l'auberge chinois. L'anglais dans l'auberge chinois. C'est un Montréalais qui a percé, dans le fond. Mais tout ça pour show dire... Show me your genitals. Les fantasy league, j'en fais une avec des gars de la job, ben des amis de mon travail. J'ai dans une ligue fantastique pour le football puis pour le hockey. De fantasy, pas fantastique. Ils ont pas des épées puis des boucliers, tes gars. De... Mais ils peuvent l'avoir. Sort de magie, sort de glace plus 4. Mais je m'attendais jamais à recommencer à triper sur des sports. Comme quand j'étais ado, j'étais le genre de kid là, qui jouait les jeux de sport. Je faisais bien du sport. Je collectionnais des cartes. Je collectionnais des livres de collants de baseball. Comme j'étais un fan fini des Blue Jays là, jusqu'à milieu des années 90 quand j'ai décroché à cause des drogues, I guess, je sais pas. Là. Mais j'étais toujours un gros fan de ces sports-là. Mais j'ai décroché un peu. Le hockey, ça m'a toujours resté de proche dans moi. Mais le football, je l'avais perdu. Puis cette année, depuis que je suis dans une ligue fantastique, Milter, j'ai retombé en amour avec le football comme j'ai jamais cru. Puis les fantasy leagues que je m'attendais jamais à aimer, fuck man, je vis là-dessus. Le dimanche en ce moment là, avant midi, je capote pour savoir si mon alignement il est bien, faire sûr que mes joueurs qui jouent. Ça rajoute. Beaucoup à n'importe quel sport. C'est con à dire, mais je peux comparer. Il y a de l'argent, là. C'est du gambling. Ben, c'est ça. Là. Comme on gamble, c'est pas beaucoup. Là. Ça nous coûte 20$ la tête, mais il y a un beau 200-300$ au bout si tu gagnes. Ben, je m'en allais comparer à mise au jeu. Qui fait juste. C'est pas beaucoup, c'est une niaiserie, mais le petit bet que ouais, tu fais, tu rajoutes que t'es dedans, puis tu l'attends à le score. Puis... Mais tu vois, les mises au jeu, j'ai déjà passé des trips de ça pendant un bout de temps, puis ça, c'est trop dangereux. C'est pas pareil, là, mais c'est très similaire, tu sais, le fun. Là. Mais les ligues fantastiques, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que justement, je m'embarque dedans, là, puis je trippe au bout. Rafale, Eric, rafale. Ben, c'est tout. Il y en a juste un. Il y en a juste un, fait que c'est ça, là, rafale, cool. Refais-le-moi, là. Refais-le-moi-le. Fais pas de référence à RBO, on n'a pas les copyrights. Yo, André, shake that groovy thing. Shake là, la grosse affaire. Guillaume Lepage, il est déjà en train de tweeter, arrête ça. C'est ça. Steve, on vient d'en recevoir déjà 3 seasons de 6. Shake it now. Milter, Raphaël. Les tons de change. Moi, je m'ennuie du temps que Eric, il en a parlé un peu, mais vite. Electronic Gaming Monthly, Game Pro. Des magazines. Tout, quand j'allais avec un 20$ à petite tabagie à côté de chez nous, pas pour acheter du tabac, parce que j'avais pas l'âge, mais bien pour acheter des revues, puis il y avait la section revue de gaming, puis il y en avait plein, là. Il y avait juste Nintendo Power qu'il fallait que tu t'abonnes parce que tu trouvais ça que c'était comme exclusif plus hot, puis j'étais abonné dans le temps. Ça fait tellement que EGM, mais, il y en avait deux. Ben, c'est ça, là, en plus, tu sais, quand t'es rendu à deux revues, puis là, tu checkais, j'achète-tu le Game Pro qui est comme un pouce et demi d'épais, ou j'achète l'autre qui vient avec un CD avec peut-être un démo, ou j'achète-tu l'autre parce que IGN et EGM, je veux dire, il était vraiment... Moi, j'y trouvais comme plus concret, mais là, t'avais l'autre qui parlait juste de PlayStation ou juste... Peu importe. Next là, Generation, man. C'était écœurant, là. J'allais là pour avoir mon info, puis là, c'était comme, t'as-tu acheté la revue? Non, check, j'ai la revue qui parle de Mortal Kombat 3. Vu que le gars, il n'avait juste deux revues, ben, c'était toi, ton ami qui l'avait, puis tous les autres de l'école, ils se garochaient pour voir ta revue. C'était une autre époque. C'était comme l'Internet avant l'Internet. L'Internet sans fil, c'était ça, dans le fond. C'était des revues. Je lis encore des magazines, moi. Tes codes, puis tout, des fois, là, puis c'était comme la source, là. T'as-tu ce revue-là? Il y a tous les moves de Killer Instinct. Il y a faux, hein? C'était ça. Je trippais. Une autre belle surprise, pour moi, la série Dead Rising. Au début, je m'attendais à quelque chose d'incroyable. J'ai comme pas eu le temps de jouer beaucoup, puis je l'ai mis de côté. Un moment donné, je suis tombé sur le chômage pendant 2 mois. J'ai pris le jeu, le premier, je parle, puis je l'ai fini à tous les jours pendant 2 mois. Ça me prenait environ 6 heures, mais je l'ai fait pour avoir toutes les fins différentes, toutes les achievements, toutes les affaires. J'ai comme découvert ce jeu-là, puis... J'étais hooked. C'est un jeu que, oui, j'ai refait la même histoire 50-60 fois, mais il y avait quelque chose qui est venu me chercher, puis depuis ce temps-là, mais j'ai tout acheté, les Dead Rising, c'est probablement ma série. J'ai pogné le 3 au PC, finalement. Il était 40, là, pareil. Là. Vraiment hâte. Tu sais, c'est... En tout cas, je suis hooked, ben raide, puis ils vont que en s'améliorant, fait que j'ai pas peur de garocher tout mon argent à la TV quand ils me disent qu'il y a un nouveau Dead Rising qui s'en vient. Même les DLC puis tout Capcom, je les adore, tout qu'est-ce qu'ils font, c'est malade, puis en plus que c'est eux autres qui font Dead Rising. Et le dernier top 5 et surprise, mon dernier, c'est, je peux pas dire une surprise, mais oui, en même temps c'est un shout out pour la personne que je suis devenu quasiment. J'ai bitché beaucoup la semaine passée d'après certaines personnes, mais c'est Nintendo. À 5 ans quand j'ai eu ma console en 85, c'était une surprise parce que j'avais aucune fucking idée c'était quoi du gaming et qu'une console ça existait. C'est ma tante qui m'a acheté ça. Aucune idée pourquoi elle m'a acheté ça. Pourquoi qu'elle pensait que j'aurais aimé ça. Mais elle me l'a acheté. Quand je l'ai eu, j'ai fait « Papa, c'est quoi ça? » Je ne comprenais pas. Une grosse boîte avec une boîte grise dessus. Fait que là, j'étais comme « J'ai une boîte grise dans la boîte. » OK. Il m'a plugué ça chez nous, dans ma chambre. À 6 ans, là, 5-6 ans, j'avais une Nintendo dans ma chambre avec une petite TV de rien. Là. Je pense qu'elle devait faire 14 pouces, 12 pouces. Là. Noir et blanc ou couleur? Elle était couleur en plus. Wow, wow, gros. Moi, j'avais de la noir et blanc. Oh, ouais. Étrangement, j'ai eu Laval. Noir et blanc après la couleur. Parce que la couleur avait sauté un moment donné, puis l'autre que j'avais en backup, c'était noir et blanc. T'avais une backup? Ouais, oh non, mais on roulait sur l'or quand j'étais petit. T'avais pas dit que t'étais un jeune riche? J'étais un jeune riche de Dubaï. Mon père est riche en tabarnak. Je venais de Dubaï, en Europe de l'Est. Au nord d'Europe. Au nord d'Europe, en tout cas, peu importe. Mais Nintendo, ils m'ont suivi NES. Quand j'ai eu un Super NES, ma vie a encore plus changé. J'ai fait comme, wow, comment t'as fait pour être encore meilleur que ce que t'étais avant? J'ai découvert un nouveau genre de gaming avec le RPG pis tout. J'étais plus vieux, ça a fait comme « Oh shit, il y a quelque chose d'autre ». Ils ont continué de m'impressionner avec la 64, les Game Boy, même ma GameCube. C'est la première des trois dans le temps que j'ai acheté. J'étais aucunement intéressé par une PlayStation 2 que j'ai acheté juste pour Grand Theft Auto. La Xbox m'intéressait pas. Je jouais à Splinter Cell sur ma GameCube. Je jouais à Hitman sur ma GameCube. C'était Nintendo jusqu'à la Wii, que, comme j'ai dit tantôt. Mais sans eux, je serais probablement pas le gamer que je suis aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai beaucoup de misère avec leur direction pis leur propos. Twitch, c'est pas de la merde, Reggie. Moi, je suis content que tu parles justement d'influence pis de direction dans une vie, parce qu'il y a bien... Je vais vous faire une confidence pis ça a influencé ma vie dans plusieurs facettes. Sur le coup, je le savais pas. Moi, je sais pas pour toi, là. Mais moi, moi c'est avec du recul, le Nintendo que ma tante m'a donné ce Noël de 1985 ou 6, là, ça a changé bien des affaires. Ben moi, tu vois, regarde, je savais pas que c'était pour m'influencer tant que ça, mais quand j'étais plus jeune, j'ai écouté un film. Puis il y a beaucoup de monde qui vont rire de moi quand je vais dire ça, mais ça m'a influencé. Ça m'a appris c'était quoi une sous-culture. Ça, je l'ai écouté dans une période de ma vie où je gossais beaucoup avec les ordis, où ça avait pas besoin de faire du sens. Puis avec du recul maintenant, tu sais, j'écoute ce film-là puis je fais comme, God, c'est pas plausible, man, puis tout, mais... C'est très plausible. Ben, c'est plausible, mais non, tu sais, parce que c'est très fake, OK? Premièrement, il y a pas personne qui est consultant en sécurité informatique d'une firme d'entreprise qui se promène en skateboard en arrière d'une limousine. Il y a des arcades avec des gros écrans. Il y a des arcades avec des gros écrans. OK, on a pu jouer à Wipeout, mais Hackers, c'était fake à peu près à 80% ce film-là. Mais... Ça donnait du rêve. Asti que j'avais le goût d'être Crash Override. J'avais le goût d'être Dade Murphy, man, pis... Ben, c'est parce que tu voulais voir les seins d'Angelina Jolie. Pas juste pour ça, c'est que, tu sais, je voulais avoir crashé plein de systèmes, pis... être avec Lord Nikon pis te le quitte, mais tu sais, avoir le vidéo sur demande VHS à ton contrôle du local cable company, c'était malade. Hackers, pis ça vraiment, tu sais, c'est comme t'écoutes ça pis du Orbital pis la soundtrack d'Hackers était folle, pis j'écoutais ça, c'était comme un bootleg de copie de VHS dans une autre affaire pis te le quitte, pis à Star, tu sais, c'est comme c'est un de mes DVD dans ma collection que le monde regarde, pis t'as aimé Hackers? Fuck you! Fuck oui, man! Toi, t'as pas aimé Hackers, c'est toi qui as un problème, tu sais. Les films comme ça, c'est magique, justement, quand ça vieillit mal, si on peut dire. Ouais. Puis les gros floppy disks, puis les affaires de même, ça rajoute tellement à la nostalgie. Type cookie, you! Mais je pense que la description du genre super laptop de Angelina Jolie à sa maison, à son party. Là. Hey, it's got a PCI bus. It c'est triples ça. The... Ils l'ont écrit d'une manière que je pense que c'est timeless. Ben, c'est ça, tu sais, c'était quand même... Ben, n'importe quoi que tu dis, ça, c'est trois fois mieux que ça. Non, mais c'est ça, ils ont vraiment ça, écrit quoi, le spec. It's got a PCI bus, it triples the speed of the V6 chip. Quelque chose de même. Puis c'était comme... Chris, OK, peut-être, ça a un peu de sens, puis tout. Mais tu sais, c'était... Ce film-là représentait tout ce que tu voulais faire avec un ordi. Ah, tu savais pas c'était quoi un système, mais t'avais le goût de le crasher. Puis dans le temps, j'étais un script kiddies. Dans le temps, j'étais sur MIRC, puis je connais mes affaires, puis mes shit, puis le kit. Puis c'était comme, ah, c'est qu'ils sont cool, eux autres, man. Puis tu comprends une sous-culture un peu, puis à la limite, ça t'ouvre les esprits. Puis je te dirais, tu sais, mon père, puis moi, face à Internet. Mon père, Internet, pour lui, c'est Kijiji, puis c'est telle affaire. Dans le fond, je demandais un speed, puis Chris, je suis en train de faire un explicatif anyways, puis... Mais, tu sais, mon père, c'est Kijiji, puis les affaires de même, puis c'est lui, il va chercher de l'information. Puis moi, de mon côté, Internet, c'est comme... Pornhub. Ça, ton père avec, dans le fond. Ouais, ouais, mon père aussi, on partait... Non, oh, Chris t'a rendu ça sale, Milton. Mais, c'était wrong. Mais, voulant dire que, tu sais, pour moi, Internet, c'est beaucoup plus que juste aller chercher de l'information, c'est... altérer l'information, c'est utiliser l'information à mon avantage, tu le quittes. Puis tu sais, j'ai toujours eu une affinité. C'est comme avec mon internet ça, un peu que ben je te parlais ça. Tantôt. Ce film-là représente cette vibe-là, tu sais. Mais tu sais, c'est incroyable à quel point que j'ai trippé là-dessus. Puis j'ai vraiment aimé Hackers. Ça a été une de mes surprises dans ma vie. Une que j'ai gardée, qui était une surprise slash déception, ben le crisse de film de Mario Bros. Man. Ok, Yoshi, ça ressemblait pas. Les Goombas, c'était n'importe quoi. Il dansait sur Was Not Bowser. Was. Dude, Walk the Dinosaur dans le club qui danse sur du Was Not Was. J'étais jeune, j'ai fait... Man, sais-tu quoi? Je vais être très honnête, là. J'ai même pas compris que ça ressemblait pas à Mario. Hostie. J'ai fait comme, oh, il y a une bobombe. Puis moi, j'étais dans la vague d'enfants, le Clueless, qui ont fait comme... Ok, t'as peur. Il y a un champignon. Ils l'ont expliqué. Ça ressemble plus à du fromage fondu, mais ils me disent que c'est un champignon, c'est correct. J'ai vu une bobombe. Il y a un saut rouge, un saut de verre. Il y a un super scope. Oh. Il y a un super scope. C'est Mario. Everything is good. En vieillissant, tu fais comme Chris, t'es pas bon. Avec, c'est qui dans Luigi? Leguizamo. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Là. Puis, mais tu vois, ce film-là était tellement pourri qu'il était bon. Puis ça m'a permis justement d'apprécier un certain cinéma que. Tout le monde trippe, c'est comme, ah, oh, est-ce que t'as vu le dernier Xavier Dolan? Ben, pas tout le monde qui trippe sur Xavier Dolan, mais tu sais. Moi, je suis capable d'apprécier un film poche. Puis, comme les films de Xavier Dolan. comme un film de Xavier Dolan. Je suis plus sûr de quel tu parlais. Moi, ouais, c'est ça. Attends, Mario Bros, c'est bon, ça. Mais non, mais c'est... pour moi, ça a est-ce été ça, Mario Bros. Ça a Bros. Été le choix de jury au Cannes? Probablement pas. Non. Mais est-ce que Xavier Dolan aurait dû être le choix de jury à Cannes? Non, mais... probablement pas non plus. À Sundance, par exemple, je pense que oui, Mario. Ça se peut-tu? Mario, non, à Cannes. Mario à Sundance, là, il a ça frappé fort. Ça existait pas, Sundance, dans le temps. Et... ma dernière surprise... Sorry, Milter, je t'ai callé out dans les années Sundance. Ma dernière surprise, c'est quelque chose que je suis encore... ma blonde grince des dents quand j'en écoute. Il y a beaucoup de gens qui me regardent, c'est comme, calé, je comprends pas pourquoi t'écoutes ça, mais du chiptune. Ben oui. Une de mes joies dans la vie, puis une de mes surprises, ça a été d'avoir la capacité d'avoir une oreille assez... développé parce que effectivement c'est pas parce que t'écoutes du violoncelle en whatever que tu l'écoutes ou l'orchestre symphonique du violoncelle en whatever tu l'écoutes. Non, mais tu sais, voulant dire, c'est comme le monde, tu sais, c'est une référence, c'est comme écouter comment je peux dire, écouter un orchestre symphonique, c'est raffiné, puis tu fais jouer du chiptune, puis le monde sont comme tabarnak, c'est même pas, hey man, programme une tune quand tes tonalités sont limitées puis t'as un tracker très limité puis tu te quittes puis réussis à faire la musique avec ça. Moi, j'ai un grand respect pour le chiptune. On a une scène locale écœurante, justement, avec des boys de Toy Company qu'on a eu la chance d'avoir dans l'émission. Je vais essayer de les revoir bientôt, j'imagine. On va faire, essayer de faire de quoi avec eux autres dans pas trop long, effectivement, mais l'astite chiptune, man, c'est quelque chose que ça fait grincer les dents autour de moi, mais j'adore le chiptune, puis je vais mourir en aimant le chiptune, puis je vais toujours écouter du chiptune, parce que l'art autour de ça me fascine. C'est de prendre quelque chose, puis de faire quelque chose qui n'est pas supposé de faire, des tonalités, c'est incroyable. Fait que dans le fond, c'est ça. Le chiptune, ça a influencé ma vie, c'est quelque chose que je vais garder avec moi depuis longtemps, puis j'ai l'impression que le chiptune, on a juste comme... toucher le top du baril. Oh, tu sais, ouais. C'est vraiment, regarde, au fur et à mesure qu'il va y avoir des technologies qui vont crever, des choses comme ça. Hey man, t'imagines-tu dans le futur, quand il y a un dude qui va faire du chiptune avec genre des PS4 pis des affaires de ce monde? C'est-tu quoi, j'ai eu cette discussion-là avec Michael Larouche, là, de Conservatoire Rétro, puis il m'expliquait comment est-ce que il y a eu les consoles de nos jours, ils ont plus de processeurs de musique dans leur. Ils sont plus inclus dedans, c'est sur le CD. C'est ça, c'est sur le CD. Ah, mais tu savais-tu que le PS1, c'est une des dernières consoles, d'après ce que j'ai compris, qui me dit, qui avait un chipset de musique dessus, intégré dedans. Intégré dedans. Fait que t'avais certains CD, c'était de la musique enregistrée sur CD avant, puis comme ensuite c'était mis, mais t'avais des soundtracks faits en chiptune sur le PS1. Je pense que le PlayStation 1. Puis le Sega Saturn, c'est parmi les derniers qui avaient encore ça. Mais maintenant, je pense qu'ils en ont plus. C'est tout, CD, j'ai peut-être tort, là, c'est tout du Wave CD, Aster. C'est ça. J'ai sûrement tort, par exemple. Là. Mais écoute, c'est des souvenirs que j'ai. C'est des trucs qui ont influencé ma vie. C'est des trucs qui ont influencé votre vie, les boys. Je pense qu'on s'est fait un petit top 5. Merci, Pierre-Luc, pour le sujet, honnêtement. Pierre-Luc Racine, 3 bières. Vous pouvez trouver leurs trucs sur 3bières.com si je me trompe pas, et sur rzoweb.com. Honnêtement, Pierre-Luc, j'espère que les gens vont pouvoir t'envoyer des sujets aussi le fun que le sujet que tu nous as transmis ce soir, parce que 3bières prennent les sujets également des auditeurs pour pouvoir faire leur émission. Donc envoyez-leur des sujets via Twitter, je pense que c'est le meilleur moyen de les rejoindre. Ouais, c'est exact. Ouais. J'aime ça, faire des sujets comme ça où on peut aller fouiller dans la nostalgie, trouver de l'actuel, parler de nos passions, des choses comme ça. C'est un peu pour ça qu'on a parti le collectif. Les boys, yep. C'était l'épisode 49. La prochaine fois qu'on va se parler autour de ces micros-là, ça va faire 50 épisodes du collectif qu'on fait. Cool. J'ai hâte qu'on se rende vers 75 ou quelque chose de même, si on est capable de battre FJJ, là. Parce qu'on est à 72, si je me trompe pas. FGG, watch out, on s'en vient chercher. Là. On n'est pas course. Loin en arrière. Mais les boys, prochain enregistrement, ça va être un enregistrement spécial pour nous. Oui. Puis je veux que ça soit à propos des auditeurs. Là, je vous fais un appel, on finit l'épisode comme ça, vous êtes rendu à la fin, vous êtes à la fin du 49e, clairement vous nous connaissez depuis peut-être le début. Oui, c'est clair, quand on est continué. C'est-à-dire, peut-être que vous nous avez découvert la semaine passée. L'important, c'est que vous nous écoutez présentement, puis on veut savoir vos histoires par rapport au collectif. Qu'est-ce qu'on vous a fait découvrir? qu'est-ce que le collectif vous a apporté dans votre vie. Peut-être que vous des allez pouvoir nous écrire « Pocket, t'es rien qu'un crotté, mange de la merde. » Puis on va les lire en ondes, ceux-là. On va les lire en ondes, ceux-là. Mais honnêtement, guys, vous êtes avec nous. And gals. And gals. Vous êtes avec nous depuis X nombre de moments, parce que c'est dur à dire, c'est une balado, hein. Mais on est reconnaissant de toute l'interaction que vous avez avec nous. On a une page Facebook qui est vraiment active. Vous nous envoyez des trucs via Twitter. On a rencontré des gens à Comic-Con. On t'a oublié la dernière fois, Chuck, ainsi que tous les autres fans du collectif qui sont venus nous voir, mais beaucoup de love pour vous autres, beaucoup d'amour. On fait ça au début. On fait ça pour nous autres, puis finalement, on est rendu qu'on le fait pour vous autres, pour plein de monde. Un gros merci. Puis, prochain épisode, un épisode dédié au collectif. Ça va faire bizarre de faire un show de nous autres à Absolument. Propos de nous autres. Mais on va le faire, puis on est rendu là, Chris. Donc, les billets vont être en vente. Le show, il va être au Centre Bell. Oui. Il y a environ 20 000 places. Ça vient avec un show de Marimé à 40$ en introduction, c'est mais c'est on pas fait grave, la première on partie fait... de Marimé. Ouais, j'adore que Marimé fait notre première partie. C'est quand même intéressant. Assis sur stage puis qui parle. C'est ça, tu sais. Mais mon nom est André Paquette. J'anime le Geek Collectif depuis maintenant 2 ans. Vous pouvez me rejoindre via Twitter au @uzumakiqc. Sinon, sur Instagram, PSN, Facebook, pas mal partout. Vous écrivez Uzumaki QC à quelque part, vous allez me trouver. Sinon, André Paquette. Milton, les gens qui voudraient interagir avec toi? Sur Facebook, à mon nom, vous pouvez écrire sur la page du podcast aussi. Si vous voulez me parler, je vais répondre par là. Sur Twitter, Zombie Milton. Partout, là, dans le fond, j'ai du Twitch, du YouTube, des affaires de même. Je suis en tournée dans tous les marchés aux puces de la région. C'est ça, Eric. Moi, c'est Eric. Tu peux m'appeler au 514-521-2900. Si t'as des questions, moi, je suis open à ça. Quel numéro jaser. Tu viens de plugger, toi? Mon numéro de téléphone. Je me suis dit que je l'ai différent. Really? Ben ouais. Non, OK, mais, ben, Chris, on est lousse de même. OK, c'est bon. Tu veux me texter quelque chose de weird, texte-moi, ça va être très direct. C'est ça. André, il comprend rien, mais c'est correct. Moi, j'adore la face André en ce moment. Top 5 de mes surprises, je peux-tu rajouter le fait que tu name drop ton numéro de téléphone? Pourquoi pas? Mais non, mais rendu là, je veux dire, Facebook, Twitter. J'avoue. Ça arrive au même. Puis le numéro de téléphone, c'est une des affaires les plus personnelles qu'on a. Ça, je m'en ai dit, c'est tellement impersonnel, Twitter. Tu nous poses une question, tout le monde la voit, tandis que message texte direct. Tu m'envoies un texte. Ben écoute, il n'y a pas personne qui peut m'appeler en disant rien et en respirant bien fort à 4h le matin via Twitter, par exemple. C'est ça. Je vous incite pas à faire ça avec Eric, mais... mais si tu le fais, si tu le fais, Asti qui va rire. Puis t'as toujours Price... le choix de répondre. Puis Price, 13,87 pour que je te fourre à voler Hearthstone. À Hearthstone. Je suis level 15 comme un fucking boss. Oh oui, level 15, qui veut dire que je suis slightly above average. Fuck you. Un fuck you amical, bien sûr. Ouais, toujours, c'est ça. Finir un podcast, fuck you, c'est un peu comme... en passant, nous sommes le Geek Collectif, fuck you. Off. Ben, on finit-tu de même un beau fuck you amical, plein d'amour ça? À tout le monde? Ouais, non, mais écoute, attends, quel genre de fuck you? Celui que tu prends dans tes bras, puis tu le serres, puis tu le chéris avec plein d'amour, là? Tu peux le flatter en lui donnant des petits becs dans le cou en même temps. Ouais, moi, c'est ce genre de fuck you, puis là. Tu chuchotes à l'école, tu fais, nous sommes le Geek Collectif, fuck you. Ouais. Il me fallait que je fasse fuck off. Okay. C'est correct.